like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Radio Gémozo 107 FM et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une émission exceptionnelle. Et oui, aujourd'hui vous le savez tous, hein, nous sommes le mardi 24 décembre et c'est bien le moment de fêter ce fameux Noël que l'on attend tous ou pas, peut-être, je ne sais pas. Et pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui et plutôt très bien accompagnée avec moi Marion, Chris, Gilou, Vincent, Georges et Michel, bonjour à tous. Bonjour Lia. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça va. Ça va, merci. Je me suis fait une petite frayeur auditive. Là. Je suis ravie que vous soyez tous aujourd'hui avec nous pour passer ce moment de toute convivialité. Déjà, ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. C'est vrai. Il en faut des moments comme ça. Et puis, on pense aussi à nos auditeurs qui peut-être sont en train de préparer toutes sortes de choses chez eux. Et on pense aussi à ceux qui peut-être sont seuls. Et nous, nous sommes là avec vous. Voilà. Pour passer ce moment dans toute convivialité, si vous avez compris ce que je voulais dire, avec vous. Alors on va évoquer les origines, les traditions d'ici et d'ailleurs, Noël solidaire et plein d'autres surprises. Et on peut peut-être commencer, alors chacun d'entre vous a préparé un sujet déjà. Oui. Est-ce que vous avez travaillé? Non, pas tous. Georges. Ceux qui n'ont pas préparé, pour rebondir bien sûr sur ce que sur ce que certains ont préparé. Alors, on est là pour fêter Noël avec nos auditeurs et on va commencer peut-être par l'origine de Noël avec toi, Vincent. Alors, l'origine de Noël, voilà. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Petit papa Noël, etc. J'aurais pu vous en faire en bande sonore, en bande son. Et le minuit chrétien, c'était mon père. C'est des réminiscences de ton. Ah oui, rebondir. Du temps passé. Oui, si tu veux. En fait, on dit minuit chrétien, mais c'est minuit humain, parce que ça remonte à la nuit des temps. Voilà. En effet. Je vais essayer de concentrer toute cette historique du temps de Noël, parce que c'est le mois de Noël, c'est en fait toute une période, et même ça remonte même à, après le 11 novembre, tout ce qui se prépare Noël, il y a l'avant, il y a tout ça. Donc, que signifie Noël? D'abord, il faut se référer en scandinave, c'est Yule, J-U-L, qui signifie la roue du temps. On a tout dit quand on dit la roue du temps, car Noël s'organise autour, c'est le 25, mais en réalité... Il faut tenir compte du 21, qui était avant-hier. Mince. Et qui est le solstice. Le solstice, le soleil s'arrête. Et il faut tenir compte aussi de tout ce temps. Alors ce temps de Noël lui-même donc, débute, on peut dire même avant le 21, mais le 21 est le centre, le solstice d'hiver, où les jours vont recommencer à croître, tant mieux. Et... Oui. Il y a aussi des périodes comme les 12 jours de Noël, les 12 jours qui vont de Noël à Nouvel An. C'est un temps spécial, un temps arrêté, un temps qui, a, dans les traditions anciennes, plus maintenant, mais enfin, qui était tout à fait spécial. On a même les 13 desserts en Provence. Bon, je vais pas les énumérer. Mais ça vient d'où, toutes ces traditions-là, de France ? Oui, du monde. Du mondial. Monde. D'accord. Mondial. Disons, un peu plus en Europe que je connais plus, mais mondial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi le 21 décembre, la Noël même, parce que c'est le jour de Mitra. Dans l'Antiquité païenne, c'était le dieu Mitra, le dieu soleil, qui D'accord. renaissait d'une grotte oui. toute armée. Voilà. Et l'Église, qui ne savait pas où situer la naissance de Jésus, c'était la diverse... grâce à toutes les pérégrinations de l'Église, a fini par choisir ce lieu, cette date, parce que c'était la date centrale du calendrier païen, avant les chrétiens. Pour ça, je chantais minuit, voilà, chrétien, pas seulement. Alors, que signifie Noël, d'ailleurs ? Naissance de Mitra, naissance du soleil. Alors, certains ont dit Néo-Hélios, Noël, nouveau soleil. En réalité, ça serait plutôt Natalis, la naissance. Mais bon, et il faut, dans le sens général, nous avons également Janus. Janus, c'est janvier. Or, Janus, c'est le dieu à deux têtes, dont l'une regarde vers l'année qui finit, et l'autre vers l'année qui nouvelle. Qui commence. Donc, voilà. Et Janus, c'est aussi le dieu de l'âge d'or. D'un âge d'or qui existait avant, d'où les cadeaux aussi. Une profusion dont nous avons l'exemple ce jour, ici à la radio, grâce à tous les autres. Et cette sens était marquée à l'Antiquité païenne par les Romains, par les Saturnales. C'était une période, une sorte de carnaval d'hiver qui avait lieu, dans lequel on se livrait à des multiples festivités. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste, dans cette symétrie, la Saint-Janus, donc, et Saint, comme par hasard, Janus, Jean, Saint-Jean d'hiver, qui est le 21 décembre, est devenu la fête de Saint-Jean d'hiver. Saint-Jean l'évangéliste, et de l'autre côté, on a Saint-Jean d'été, qui est le solstice, qui suit le solstice d'été. En fait, pareil, solstice d'hiver, 21 décembre, trois jours après, on est sûr que le soleil va renaître. Alors, on fait ça à Noël même, le jour du soleil, Mitra. Et Mitra, qui était un dieu perse, mais je vous fais grâce. Et puis, mais qui a été importé par les légions romaines. Voilà. Un grand culte qui a existé vers le 3e siècle par les empereurs romains et qui a fait concurrence au christianisme et qui est même... Enfin, le christianisme a fini par le remplacer, comme on le sait. Eh ben oui. Mais bon, je reviens donc à Saint-Jean d'hiver. Solstice, et c'est un jour d'été, c'est pareil, le 21 juin, mais trois jours après, on est sûr qu'on a toujours trois jours. D'où le symbolisme du 3, qu'on va retrouver aussi, le 12, le 3, j'en ai déjà parlé. Mais c'est une histoire de soleil, alors, ce Noël-là. C'est vraiment une histoire du cycle de l'année, et c'est un temps de passage, un temps où... tout à fait particulier, qui est un temps des fêtes. Alors, je ne sais pas si les grèves, qui sont un temps particulier aussi, vont suspendre ou continuer, mais si elles suspendent, c'est aussi le sens plus particulier du passage. Parce que dans les traditions anciennes, plus maintenant, mais tous les mouvements rotatifs étaient interdits. Il ne fallait plus parler de roues. Et par exemple, dans les Vosges, les boulangers ne pouvaient pas rouler la pâte. Ah bon ? Ils faisaient des queniers. Ça existe encore, on les vend encore, des queniers qui étaient, je ne sais pas comment ils étaient faits, mais on ne roulait plus la pâte. C'était interdit, il ne fallait pas rouler pendant ces temps-là, parce que sinon, ces temps-là étaient particuliers. Dans les croyances, il y avait, comme à d'autres périodes, mais notamment là, il y avait la chasse sauvage qui passe dans les airs et qui emporte les gens s'ils mettent trop le nez dehors. C'est un temps où on est calfeutré et dans l'attente, du renouveau. Et un de ces symboles, c'est le sapin. Le sapin qui, lui, est l'arbre qui ne perd pas ses feuilles et qui symbolise la vie qui continue, l'immortalité. On va parler du sapin. Voilà. Ouais. Ah, donc, hein, je laisse sur le sapin, l'histoire du sapin, je te la laisse. Je vais juste une question. Je veux dire, le soir de Noël, on pouvait quand même rouler sous le sapin, c'est pas un problème. Ah oui, rouler, oui, toujours. On peut, on le fait. Alors, sacré Gilou. Deuxième chapitre de mon exposé, si je peux dire, le mois de Noël. Il y a deux dates importantes, c'est le 6 décembre et il y a le 6 janvier. C'est un mois entier. C'est pas un jour, Noël, c'est un mois. Et bien sûr, à Saint-Nicolas. Et il finit par les rois. Alors, j'ai ma théorie là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je la crois juste puisque je vais la dire. Saint-Nicolas qui d'abord, dans certaines traditions, arrive sur son cheval blanc. Il n'est autre que le successeur, c'est un saint chrétien, il est le successeur du dieu Odin chez les Scandinaves, peut-être même d'Apollon, parce que Myre, d'où vient Saint-Nicolas, et était consacré au culte d'Apollon, le soleil, comme par hasard. Odin, le grand dieu. Un Asie mineure, Oui. Tu précises. Et sa figure, un Asie mineure, oui, en Turquie actuelle. Et donc, Saint-Nicolas, qui est une christianisation de Odin, de même que la Noël est une christianisation de Mitra, de la naissance de Mitra, Saint-Nicolas... je l'ai dit, Mitra dans une grotte, naissait d'une grotte, comme par, qu'on retrouve dans le christianisme, effectivement. Odin. Qu'on retrouve Mitra, c'était un culte de la Mésopotamie, quand même. De Perse. De Perse. Un dieu perse. Bon, avec un bonnet phrygien, d'ailleurs, dont le Père Noël, finalement, a peut-être aussi hérité. Tiens, je vois. Ça. C'est peut-être aussi le. C'est un dieu particulier, bonnet phrygien. Et puis la Révolution, tout ce que vous voulez, on peut voir mille symboles là-dedans. Et Saint-Nicolas a un cheval blanc, comme Odin avait un cheval blanc, et le cheval Sleipnir, qui parcourait le ciel avec la chasse sauvage, avec les âmes des guerriers qui venaient du Walhalla, etc. Bon, alors, Saint-Nicolas est appelé Santa Claus. Et Saint-Nicolas, du fait des Hollandais et des Allemands qui ont immigré aussi aux États-Unis, est devenu, Santa Claus est devenu peu à peu le Père Noël. Mais lequel Père Noël a pris les couleurs rouge et blanche d'ailleurs de Coca-Cola plus récemment, pour des raisons américaines. Mais bon, voilà. Alors, il a le Père Fouettard. Père Fouettard, j'ai photographié tout à l'heure, mais c'est pas Gilou. Alors, le Père Fouettard, c'est représente les forces de l'ombre, à l'opposé presque. C'est les forces de l'ombre qui sont vaincues par la lumière de Saint-Nicolas, qui est la lumière, qui est le Saint-Nicolas, et le Saint-Rédempteur, si je peux dire. Et, je m'excuse, mais le Père Fouettard, c'est parce que dans certaines traditions, il fallait fouetter les femmes pour les rendre fertiles. Quelle horreur ! Oui, non, mais. Non, mais là, c'est du sado, maso, mais. Non, mais en fait, c'était gentil. Oui, mais c'est comme ça, j'y peux rien. On peut rectifier. Bon. Et il y a les trois petits-enfants. Les trois petits-enfants je vous rappelle le nom, le 3. Le 3 est toujours important, il est répété. Par exemple, au Tio, mais c'était un peu plus tard, à la Trinité d'ailleurs, on voyait les trois soleils. C'est dans les soleils vont par trois. On voyait sur le ballon d'Alsace ou de Cervance surgir les trois soleils. Donc, j'essaie de faire court encore. Bon, et les trois petits-enfants, ils sont coupés en morceaux. Oh. Bon. Ça, on connaît un tous, mois après, le 6... La légende de Saint-Nicolas. Oui, on la connaît tous. Ils étaient trois petits-enfants. Bon. Le boucher, bon, bref, clac-clac. Et un mois après, on va retrouver trois rois qui viennent d'Orient, de là où le soleil se lève, d'ailleurs. Ah oui, les trois mages. Ma théorie, c'est le 6 janvier. Alors, ma théorie est la suivante. Le jour des rois, alors allons au roi le 6 janvier, pour éclairer le 6 décembre. D'abord, le 6 janvier était souvent le début de l'année dans les calendriers orientaux. Ensuite, c'est le jour d'Osiris dans la tradition égyptienne. Or, qui est Osiris ? C'est le dieu soleil qui est coupé en morceaux par le dieu de l'ombre, Seth, et que sa mère et épouse, parce que c'est à la fois mère et épouse, et va le ce qui est la lune, le soleil, va recoudre Osiris, qui va renaître le 6 janvier en Égypte, et ressuscité, et l'eau du Nil, ce jour-là, selon la tradition égyptienne, se change en vin. Très bien. Voilà. Alors, donc on pourrait chanter. Alors moi, ma théorie, c'est que on a les trois petits soleils, ces trois petits enfants, c'est le soleil qui décline au moment dans la période de la nuit est de plus en plus grande. On craint que le soleil ne disparaisse. Donc, eh ben, ce petit soleil triplé, parce que on fait trois, c'est traditionnel. Ils deviennent les trois petits. C'est les trois petits enfants. En fait. Oui. Et ces trois petits enfants. Qui sont petits, ils vont croître au moment du solstice, le 21, encore plus à la Noël, encore plus le jour de l'an, et encore plus le 6 janvier. Et là, ils reviennent sous la forme de trois rois. D'accord. Solaires, d'ailleurs, à la couronne. Et au moment du 6 janvier, on tire les rois. Et comme par hasard, c'est souvent un enfant qui est sous la table, un enfant caché, qui est le plus peut-être jeune. Le soleil caché, et qui va déterminer les parts. Alors, tout ça, il y a un symbolisme que je revendique, mais qui me semble juste. Alors, le 6 janvier aussi, c'était un moment où il y avait des feux. En Franche-Comté, il y avait les feux des rois. Vincent, je te coupe quelques instants. Nous accueillons avec nous Étienne Géin, quand même. Hein, ancien président de la radio. Ah ben oui, on est enchanté que vous soyez là. Mais il n'a pas de micro, ce monsieur. Ah, mais il prête ton micro, Chris. Il en aurait le mien quand j'aurais fini de causer. Voilà. Donc vous êtes président de l'association Les Amis Lorrains du Laos. Les personnes ici présentes dans le studio et tous les auditrices et les auditeurs. Mais oui, on est ravis que vous soyez aujourd'hui avec nous. Alors, c'est Georges qui vous a invité aujourd'hui à participer. Alors, on en profite maintenant que vous êtes quand même là. Notre émission, elle est aussi consacrée à la solidarité, parce que c'est très important en ces périodes de fête. Et justement, vous, en ce moment, vous avez un projet, donc justement avec cette association Les Amis Lorrains du Laos. Donc, il y a une cagnotte Litchi qui est en cours pour une construction d'école, oui, c'est ça? Pas Litchi, c'est Eloasso. Ah, Eloasso, pardon, c'est bien mieux, vous avez bien raison. Alors, Eloasso a l'avantage d'être une association, ce n'est pas une banque privée, c'est associatif. Tout à fait, on je connaît tiens bien, le mais on est partisans. Donc on vous laisse en dire quelques mots peut-être, on pourra... Oui, disons que nous sommes allés en mission au mois d'octobre-novembre au Laos, dans les montagnes du Nord Laos, dans la région de Udom Sai. Et on a pris des tas de contacts avec des tas de gens, on a visité beaucoup de villages. Et un village que nous avions visité il y a un an et demi, qui ne possédait pas d'école... Enfin, si, qui possédait une école, mais qui était en très mauvais état, nous avait demandé de l'aide pour reconstruire cette école. Et en fait, je veux dire qu'au cours de l'année 2018, nous n'avons pas trouvé suffisamment de budget pour réaliser ce vœu. Et on a remis le chantier, on a rediscuté avec les villageois, on a discuté encore avec l'administration de l'éducation du Laos, qui s'occupe de mettre en place les travaux. Et nous avons trouvé un compromis entre une école qu'ils auraient aimé faire, qui était... sur un style, je dirais, standard, qui était peut-être un petit peu disproportionné par rapport à la taille du village et par rapport au nombre d'enfants. Ils sont une cinquantaine d'enfants. D'accord. Nous avons trouvé un juste milieu avec une école qui est quand même plus modeste, mais qui correspondrait bien aux besoins oui. du village. Et en fait, donc, le budget étant un petit peu moindre, un petit peu moins important, nous pensons que c'est dans nos possibilités D'accord. de pouvoir le rassembler. Mais comme c'est toujours compliqué, on fait un appel aux dons oui. et on passe donc par l'association Eloasso. D'accord. Et il y a un lien qui permet de faire des dons directement sur par cette plateforme. Et vous pouvez recevoir directement, enfin imprimer directement chez vous, la déduction fiscale, car nous sommes une association qui permet de déduire de la fiscalité. D'accord. Voilà. Super. Donc, vous nous donnerez ce lien qu'on puisse diffuser sur nos réseaux Alors, le plus facile, c'est de passer par notre site Ami Lorrain du Laos, tout attaché, sans majuscule. C'est pas les amis, c'est Ami Lorrain du Laos. D'accord, ok. .org. Ok. Et là, vous arrivez directement sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, vous verrez un petit clignotant avec une école mal en point. Aidons-nous à reconstruire l'école pour les enfants. Eh bien, voilà. Bravo. Jusqu'à quand cette cagnotte est ouverte ? Jusqu'en avril. Jusqu'en avril. Donc, n'hésitez pas à participer. Et voilà. Alors, je dois dire que ça fonctionne bien. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà contribué. Ça fonctionne très bien. Nous en sommes à 50%. Super. Ouais, c'est pas mal. Oui. 50% en 51 avec ce que 3 semaines, donner. Pas tout à fait 3 semaines. Ah oui. Avec ce que je vais te donner, ça sera 51. D'accord. En ces périodes de fête, eh ben, voilà. Faites un geste voilà, pour des personnes qui en ont besoin. Parce qu'on connaît aussi Noël et voilà, un petit peu l'envers du décor. Hein, c'est toute cette surconsommation, ce business qu'il y a derrière. Et là, eh bien, vous pouvez faire quelque chose de vraiment honorable et qui servira à long terme pour ces enfants au Laos. Merci beaucoup. Etienne. Alors, je tiens à insister sur une chose. Oui. C'est que, bien sûr, l'école est importante partout dans le monde. Tout à fait. Mais les enfants qui sont issus de groupes ethniques qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils vivent, ah oui. c'est encore beaucoup plus important. Ah oui, oui, oui. il y a une cinquantaine d'années, ou même plus maintenant, une centaine d'années, quand on était alsacien, on causait l'alsacien, oui, en famille. Et il fallait apprendre le français pour s'intégrer. Maintenant, tout le monde parle français dans les familles, à peu de choses près. Imaginez-vous que dans ces petits villages du Laos, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens n'entendent parler que, en l'occurrence, c'est la langue Hakka, que cette langue qui est issue du chinois, et qui, pour les, enfin, c'est difficile à écrire en fait. Et quand ils vont à l'école, il faut qu'ils apprennent le Lao, qui est une langue issue d'un autre, d'une autre région, oui, qui est plutôt dérivée de l'Inde, d'accord, de l'hindi et du sanskrit. Donc c'est toute une gymnastique à faire pour eux. Et s'ils ne le font pas très vite, ils ont des difficultés à s'intégrer. Et s'ils n'arrivent pas à parler Lao, ils ne peuvent pas facilement commercer. S'ils font de l'agriculture et qu'ils veulent vendre leurs produits, ils ne peuvent pas. S'ils veulent s'insérer dans la société pour devenir administrateur ou travailler dans la oui, fonction publique, ils ne peuvent pas. Donc c'est encore plus important. D'accord. Je tenais à le souligner. Bah, vous avez bien raison. Voilà. Et j'espère que vous reviendrez ici dans nos studios pour nous parler plus amplement de tout ça. Mais bien entendu, je suis disponible pour ça. Enfin, relativement. Avec grand plaisir. Je peux trouver du temps. Voilà. Avec grand plaisir. Ouais, alors, merci pour votre écoute. Bah, merci. Je rebondis sur le micro pour reprendre sur mon temps de parole, utilement utilisé par Étienne, qui d'ailleurs est un saint lumineux, je peux dire, Saint-Étienne, le 26 décembre. Bon. Oui, voilà. Moi, ce que je propose, c'est quand même qu'on s'écoute une petite musique avant de reprendre avec vous. Si tu veux, oui, bien sûr. Hein, alors, on a eu Noël. Plusieurs musiques de proposer aujourd'hui. Et oui. Moi, je propose qu'on écoute celle de Georges. Georges, présente-nous ta musique. Alors, la chanson que nous allons écouter aujourd'hui, oui, c'est l'issue du folk song. Donc, c'est Grimmel Wright, qui est un chanteur très, ah, oui, très oublié, oui, ouais, qui chantait dans les années 60-70, et qui va interpréter Petit garçon, qui est, d'accord, une chanson douce de Grimmel Wright, hein, qui a beaucoup chanté du protest song, oui, et qui est en rapport effectivement avec Noël. Eh ben, c'est vrai. Et on va l'écouter. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cette proposition. Nous avons le grand honneur aujourd'hui d'avoir notre président Julien Fernandez avec nous au micro. Il va quand même nous faire un petit coucou, Julien. Nous sommes en pleine émission de Noël. Mais il y en a plein autour de toi des micros. Regarde, je prête le mien. Il n'y a pas de micro, mais il va en prendre. Voilà. Comment ça va, président ? Écoute, ça va pas mal. Est-ce que tu as envie de souhaiter un joyeux Noël à tous nos auditeurs ? Non, bah évidemment non. Bah non, attends. C'est un méchant idée. Président. Non, oui, c'est super. Ça a commencé il y a longtemps, l'émission ? Non, ça fait une petite demi-heure. Je suis en retard, je suis désolé. Demi-heure plutôt. Non, bah oui, évidemment, je vous souhaite à tous un super, un joyeux, un merveilleux, un agréable Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et plein de bonnes choses, hein, voilà. En attendant la nouvelle année. Ben voilà, plein de bonnes choses sur Radio Guémozo. En tout cas, nous, on est là pour vous, pour vous accompagner durant ce mardi 24 décembre et tout au long de l'année, hein, d'ailleurs, avec tous les animateurs qu'il y a autour de cette table, hein, qui vous proposent tous les jours, en tout cas toutes les semaines, plusieurs programmes divers et variés. Donc là, on écoute tout de suite la petite spécialité musicale de Georges et on se retrouve juste après. Son manteau rouge et blanc sur un traîneau porté par le vent, il descendra à la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles, tout est calme. Reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent. Écoute les étoiles, tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabulées? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui avec vous et bien sûr Radio Gémozo. Voilà, on vous accompagne durant ce début de journée où vous préparez peut-être vos fêtes ou voilà, vous vous occupez. Nous sommes mardi 24 décembre, c'est bien entendu aujourd'hui le réveillon de Noël et nous sommes là pour vous accompagner, vous l'avez bien compris, avec tous nos invités autour de la table. Nous étions avec Vincent qui nous expliquait oui. Un petit peu les traditions, etc. etc. Alors, je reviens donc, j'en étais aussi janvier, mais je reviendrai après, en arrière plutôt. Le 6 janvier, c'est aussi la fée Befana en Italie qui distribue les cadeaux. Voilà. Et puis en Espagne aussi, on a la distribution des cadeaux. Et effectivement, ce jour du 6 janvier est une date marquant la fin du cycle, du temps de Noël. Après, ça continue autrement. Et Odin lui-même, dont j'ai parlé, que Saint-Nicolas a remplacé, distribuait des cadeaux dans les anciennes traditions païennes. Donc voilà, on est tout à fait dans la signification de cette abondance. Alors, continuons après le 6 décembre. Après le 6 décembre, on a le 8, le 7, je ne me rappelle plus, le 8, Saint-Romarie, pour nous. Ça tombe bien, hein. Saint-Romarie, et donc... ce qui est un saint qui remonte, c'est dans l'origine de Remiremont, qui remonte aux cieux dans une assomption lumineuse vers 620. On va faire les 1400 ans du Saint-Mont, justement, de Saint-Romarie. Bon, Romarie, Luce, Sainte Luce, le 13 décembre. Sainte Luce. Ou Lucie. Lucie. Sainte Luce, à la Sainte Luce, dit-on, les jours croient du saut d'une puce, c'est-à-dire les jours augmentent. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Non. Non, parce que c'était vrai avant 1582. Dans le calendrier julien, qui était adopté jusqu'en 1582, on avait la Sainte Lucie tombée 10 jours plus tard, enfin, sont tombées le 21, si je peux dire. Il y a un décalage. L'ancien calendrier ne tenait pas compte des 365 jours écart du solstice, du cycle solaire, et on avait oublié ça, et au bout de 15 siècles, on avait un décalage de la dizaine de jours. Enfin, voilà, calculez vous-même, entre le 13 et le 21. Donc, effectivement, à la Sainte Lucie, ça a changé en 1582, on a pris le calendrier grégorien, qui a remplacé Julien, le calendrier Julien, et à ce moment-là, le dicton est devenu faux. Mais la preuve que les dictons sont tellement ancrés dans la tradition, c'est qu'on continue à dire à la Sainte Luce, les jours croissent du saut d'une puce. Et on dit même, alors après on a dit, quand on a rectifié, à la Saint-Amand, le 23, ils croissent vraiment. D'accord. Et à la Saint-Antoine, alors ça c'est plus tard, le 17, les jours croissent du repas d'un moine. D'accord. Alors ça, tout ça, c'est le sens. Alors Sainte Lucie était marquée en Alsace et en Suède par les filles qui avaient des couronnes. Alors, c'était un peu de bougies dans la tête. D'accord. Et c'était la Sainte Lumière. Lucie, Lumière, voilà. Alors, Sainte Luce, et le 13, le 14, c'est Sainte Odile. Sainte Odile, qui est représentée avec un œil, et qui est aussi une sainte qui guérit, une sainte de la lumière, et qui a la même figuration que Claire. Alors, Claire, pour nous, ça nous intéresse, parce qu'au Saint-Mont, on avait le culte de Sainte Claire, qui guérit les yeux, comme par hasard, et qui a aussi un œil. Qui a un livre ouvert sur deux yeux. Oui, voilà. Et Claire est fêtée plus tard, mais pour nous, on a l'antenne là-haut au Fossard, qui est une lumière de Guémozo sur le monde, bien sûr. Donc, Odile aussi est une sainte lumineuse. Après, j'ai parlé de Romary, et puis on va arriver donc le 23 à Saint-Amand. Voilà, il ne s'est pas fêté spécialement, mais c'est Saint-Amand. Et là, Noël. Ah, Noël arrive. Voilà. Noël, demain, ce soir. Voilà. Alors, c'est la crèche. La crèche. Qu'est-ce que c'est que la crèche? Je dis que le petit soleil, c'est l'enfant Jésus qui est transformé, qui est en fait le nouveau soleil. Et on a les rayons de la crèche, la paille, qui évoque le soleil, effectivement, autour. Et la grotte, on en a parlé, la grotte de la Nativité, c'est la grotte de Mitra, du soleil renaissant. La Saint-Étienne. Étienne Géin vient de nous quitter. Le 26, le lendemain de Noël. Saint-Étienne, eh bien, c'est Stéphanos, c'est aussi un saint qui guérissait les yeux, c'est un saint lumineux. Et Étienne, qui est notre troisième, comme par hasard, notre troisième président, pas le premier, mais le chiffre 3 est important, il est le principal de nos anciens présidents. Donc, Saint-Étienne et également la lumière, le 26 réitéré. Saint-Sylvestre, le 31. Or, comme par hasard, Saint-Sylvestre ressuscite un taureau qui était dans le culte de Mitra. On avait, on avait justement un taureau qui était sacrifié. Et comme par hasard, Saint-Sylvestre va le ressusciter. Il vint un dragon, qui est le dragon de l'ombre, qui est vaincu, puisque la lumière va renaître. Et il y a le gui aussi, le gui qui est l'immortalité, et qui était la plante des druides qu'on offre au gui en neuf. Voilà. Alors ça, c'est le 1er janvier. Alors, si j'ai encore le temps, je parle. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah bon, je reviendrai tout à l'heure. Je m'en vais. Et on s'embrasse sous le gui. Voilà. Oui, s'embrasse sous le gui. C'est vrai. Voilà. Ouais, mais Étienne Géin m'a pris une part de mon temps. On a plein de choses à voir aujourd'hui, plein de sujets différents qui ont été préparés aujourd'hui pour vous. Donc, forcément, c'est très intéressant de savoir les traditions et d'où Noël vient. Est-ce que vous saviez tout ça ou est-ce que vraiment vous étiez un petit peu plongé dans l'euphorie de Noël comme on connaît avec le Père Noël et ses cadeaux, ou est-ce que vraiment dans un moment donné dans votre enfance ça a été important, ces traditions là pas tous en même temps? Ce que nous a un petit peu expliqué Vincent, quoi, c'est vrai, voilà, si c'est des choses à savoir, voilà, sûr, tout à fait, ouais. Comment ça se passait chez vous, Georges, Michel, quand vous étiez petit avec votre famille, les traditions de Noël? Ah, les traditions de Noël, c'était pas très suivi. Non. Ah, c'était surtout Saint-Nicolas. Oui, c'est vrai. Véritablement, les cadeaux à Noël, c'était des fois une orange. Oui, c'est vrai, c'est ce que ma maman oranges, disait, ça, ouais. Comme ça, mais il n'y avait pas véritablement marqué. Alors, par contre, la famille allait souvent à la messe de minuit, bien sûr. Hein, parce que ça, c'était une tradition qui était ancrée, c'est-à-dire que c'était vraiment dans le culte chrétien. Oui. Hein. Tandis que Saint-Nicolas, c'était à la fois chrétien puis profane, certains côtés, hein, le côté père Fouettard, etc. etc. D'ailleurs, quand on était enfant, on était un peu terrorisé par cette histoire. Ça, c'est tout à fait vrai. Fouettard. Moi, je me rappelle d'avoir pleuré de nombreuses fois. Quand il y avait les chars de Saint-Nicolas qui défilaient. Bon, et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de fêtes de village Saint-Nicolas. Hein. C'était plutôt Saint-Nicolas, le nom des familles, qui passait dans la maison. Ah oui. Hein, donc avec sa tenue de Saint-Nicolas. Oui, et puis le père Fouettard qui menaçait les enfants s'il n'était pas ça. C'est drôle, voilà. Ça, quand même. Oh. Voilà comment que ça se passait. Oui. Et toi, Georges? Mais Noël n'était pas... était une fête, mais surtout une fête chrétienne. D'accord. Une pour toi, c'était plus dans la religion. Qui était vraiment dans le... Bon, le sapin, c'est venu assez tard, finalement, hein, le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est vrai, ce que dit Vincent, ça signifie aussi à la fois la permanence, hein, c'est-à-dire un arbre qui ne perd pas ses feuilles. C'est aussi en Alsace, il ne faut pas oublier que Tann, ça signifie sapin aussi. D'accord. Hein, ça, oui. c'est véritablement un culte plutôt païen. D'accord. Païen, c'est l'histoire, je crois que c'est l'histoire des sapins blancs, du culte des sapins blancs autrefois, qui s'est transposé en Noël aussi. Alors, dans ce sens, à Tann, il y a toujours la fête des trois sapins, mais en juin. D'accord. Trois sapins. Brûlé vers la Saint-Jean, oui. Bon. Au moment du solstice d'été, comme par hasard. On laisse la parole à Georges pour qu'il nous explique un petit peu ces petites anecdotes à lui. Voilà. Dis-nous tout, Georges. Voilà, c'est... bon, bref, attends, Michel. Alors, effectivement, Noël, moi, je vivais à Armiremont, donc c'était plutôt la Saint-Nicolas, la fête des enfants. D'accord. Et Noël se résumait, comme l'a dit Michel d'ailleurs, à une orange et une brioche. Oui. Et la messe de minuit, parce que grande partie de la population suivait le culte chrétien à l'époque. Oui, oui. Vous avez... Mais Saint-Nicolas ne passait pas à la maison, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai vu que plus tard, quand j'étais grand, dans les défilés qu'on a organisés dans les villes ou les villages de Lorraine et d'ailleurs. Et d'avoir... La montagne y passait. Et d'avoir vécu ces Noëls comme ça, enfant, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à profiter de la fête autrement, ou est-ce que vraiment vous restez toujours dans vos traditions d'antan pour aujourd'hui, pour ces Noëls d'aujourd'hui? Alors, c'est surtout une fête de famille, je crois. Oui. Et puis... On en profite en famille. Et puis le nouvel an, l'occasion un peu de se défouler. Je crois que ça reste essentiellement la fête des enfants. Oui. Et c'est effectivement pour les enfants qu'on se rassemble, oui, qu'on se réunit, que l'on fait des cadeaux aussi. Eh ben oui. Voilà. On va laisser parler notre plus jeune aujourd'hui avec nous, Chris. L'enfant. Comment ça se passe, toi, ton Noël? Alors toi, tu es vraiment le Benjamin de l'équipe, là, aujourd'hui. Ouais, je suis un bébé, tu peux le dire. Non, en fait, à la base, c'était quand avec mes frères, on était plus jeunes. Ouais. Avec mes parents, on faisait le sapin un petit mois avant Noël. D'accord. Puis après, il y avait les cadeaux au pied du sapin le 24 ou le 25, je ne sais plus. Quand on se levait le matin, on allait les ouvrir. Et on faisait beaucoup de repas de famille, surtout avec une de mes tantes et mes cousines, ouais, mes cousins. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'est perdu petit à petit, en fait. D'accord. Depuis, on ne le fait plus trop. Une fête familiale quand même, vraiment dans les souvenirs, c'est quand même plutôt une fête familiale. Alors tu nous parles de sapin, bah, ça tombe bien, tu me tends un petit peu la branche, si je puis dire. T'as vu, je m'améliore en jeu de mots. Hein. Oui. Comment ça se passe les sapins ailleurs? Les sapins ailleurs, parce que là j'ai une tradition, mais au niveau des sapins. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs pays qui font le sapin de Noël, donc ouais, la France bien sûr, mais aussi il y a la Belgique, le Canada, la République populaire de Chine ou encore le Danemark. Oui. Ouais. Et il faut savoir également qu'en 2011, les deux tiers des sapins de Noël artificiels vendus dans le monde entier viendraient du sud de la Chine. Ah bah ça. Et en particulier de Yiwu, située dans la province du Zhejiang, elle-même située au sud de Shanghai. Et dans d'autres pays, il y a des variantes estivales des sapins. D'accord. Comme en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelle-Zélande, pardon. Car dans l'hémisphère sud, Noël ne tombe pas en période hivernale et froide, mais en été. Eh oui, c'est vrai. Ça tombe en été, donc... Ils utilisent parfois des petits pains colonnaires, parfois la cime d'un pain adulte, en guise de sapin de Noël. Et par contre, la solution-là n'est pas toujours des plus appropriées, car les branches sont souvent très, très espacées et les aiguilles donc, du sapin tombent assez rapidement. Oui. Donc du coup, c'est pas le top. Mais non, tu m'étonnes. Mais ça permet quand même de disposer d'un véritable arbre dans une région où il n'existe aucune variété de sapin. D'accord. Donc c'est pour ça. Et puis en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle Poutukawa, dont les fleurs rouges éclosent lors des fêtes de fin d'année. D'accord. Donc voilà, ça c'est surtout les sapins. Et puis bah, je pense que j'en reviendrai plus tard au niveau des traditions dans les autres pays. Mais oui, on va faire comme ça. Qui a un sapin aujourd'hui ici, chez lui, pendant ces périodes de fêtes? Moi. Okay. Bon, moi j'en ai un, il est en plume. Voilà, en je tenais à le dire. D'accord. Oui, tout à fait. Artificiel. En plume. Artificiel, Marion, Gilou, t'as un vrai sapin? Artificiel aussi. C'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir le vrai sapin. Quoi. Oui, oui. J'aime bien l'odeur du sapin. C'est vrai. Non, mais c'est-à-dire qu'on les met plus. Je ne sais pas pour vous, hein, mais on les met. On les met maintenant, les sapins les installent un petit peu plus tôt. Oui. Je me souviens, dans mon enfance, on les mettait après la Saint-Nicolas. Voilà. Ça durait. Voilà. Bon, maintenant, on les met un petit peu plus tôt. Et puis, bon, bah, c'est sûr que si on prend un vrai sapin, forcément, avec la chaleur, ça ne tient pas. Donc, voilà, ce sapin artificiel, oui. C'est vrai que le problème, c'est que ça perd des épines. Oui, ça se perd, voilà. C'est plus joli après. Ça n'a plus la même... C'est moins joli, voilà. Mais c'est vrai que je m'étais dit, je reviendrai bien au sapin naturel. On le mettra plus... Un petit peu plus tard. En plus, c'est un petit peu la région ici, du sapin, on pourrait... Je pense, oui, tout à fait, sûr, pouvoir oui, avoir non, on en trouve, mais un beau sapin. Oui. Voilà, mon beau sapin. Ah, bah, de toute façon, je pense que Noël, c'est devenu un peu une fête de la lumière à nouveau. Hein. Mm-hmm. la lumière renaissante, hein, comme, voilà, comme nous disait Vincent, le soleil. Et en ce qui concerne, avec beaucoup, beaucoup de décorations, etc., qui n'existaient pas autrefois. Par contre, en ce qui concerne le sapin, moi, je conserve toujours un sapin vivant. Ah oui. Vivant, c'est-à-dire je le prends vivant dans le supermarché de la forêt. Les agents techniques de l'ONF, il ne faut pas qu'ils m'écoutent, bien sûr. Non, on n'a pas le droit. Et puis, je le mets dans un seau. Oui, c'est important de le garder en humidité. Dans un conteneur avec de la terre, etc. Et cette année, j'ai repris, il a fait le tour, j'ai repris le sapin de l'an dernier. Mais c'est génial, ça. Il a même fait des petits bourgeons. Super. Il a même fait des petits bourgeons. Ouais. Et puis là, je le décore, bien sûr, à la traditionnelle, avec des boules et puis des guirlandes. J'ai oublié de dire quand même, juste que Saint-Sylvestre, c'est Sylva la forêt. Hein. Ah, voilà. D'accord. Oui, encore. Il y a le pain sylvestre. Oui, voilà. D'accord. Le pain sylvestre, lui, il perd ses aiguilles. Ah. Alors, Chris a une autre référence par rapport à Sylvestre. Vas-y, Chris. T'es obligé de le dire. Ah, bah écoute, non. C'est Noël, on se lâche. Hein. Ouais. Bah oui, allez. Soyons fous. Le chat sylvestre, c'est également le chat qui poursuit Titi. Ah, bah oui. Voilà la référence de Chris. Titi est dominé. Ça me rappelle mon enfance. Hein. Oui, c'est vrai que tu es très jeune. Très vieux. C'est un symbolisme. Le chat, c'est les forces noires qui poursuivent le sylvestre, qui est lui la lumière. Et pourquoi pas, hein. On trouve tout. Et voilà. Mais c'est pas évident non plus d'avoir des chats quand on a un sapin de Noël. Quoi. Ah oui, bah si, aussi. Peut-être. Mais Vincent, il paraît qu'avant, à l'époque, on mettait des vraies bougies sur nos arbres de Noël. Oui, bien sûr. Comme sur les filles à la Sainte-Luce. Ah oui. Ah oui, les vraies bougies. Mais il ne fallait pas avoir peur que la cire tombe sur la tête. C'est même assez dangereux. Ah bah oui, quelques-uns ont vraiment. Pas tous en même temps. Si tu mettais des bougies sur le sapin de Noël, il fallait vraiment choisir l'endroit, etc. Oui, éviter. C'était allumé vraiment le soir. Oui, de Noël, ça arrivait. On le laissait pas non plus que allumé. Parce que c'était quand même assez dangereux. Oui, sur les bougies. Oui. Mm-hmm. Et puis après, on trouvait des bougies autour de la crèche pour ceux qui faisaient une crèche au pied du sapin de Noël. Donc certaines femmes le portaient sur la tête, mais ça devait être compliqué. Georges, tu nous dis qu'il y en a certains qui ont vu leur chevelure partir en fumée. Je pense qu'elle ne le portait pas longtemps. Il n'y a pas que les chevelures, il y a des maisons qui ont brûlé. À les maisons. J'étais vêtue en blanc d'ailleurs, les filles de la Sainte-Lucie. D'accord. Donc je l'ai dit en Suède et en Alsace. D'accord. Alors vous nous avez tous préparé un petit mot pour notre émission spéciale Noël et on vous en remercie. On va retrouver tout de suite après notre deuxième son spécialement préparé cette fois-ci par notre Marion nationale. Hein, Marion que vous retrouvez tous les matins de 8h30 à 9h dans sa matinale. Nous retrouverons donc juste après ta chanson Marion Lou qui est actuellement au Japon et qui a tenu à nous faire un petit coucou du pays là-bas, du pays Soleil levant, justement. Voilà, c'est vrai. Donc ouais, on va savoir. Le solaire, le drapeau japonais. Oui. Tout à fait. On va savoir donc ce qu'elle a pu récolter comme information concernant les fêtes de Noël là-bas au Japon. Alors Marion, qu'est-ce que tu nous as préparé comme musique ? Oh bah la traditionnelle, je pense que je la passe tous les ans. Hein. Ceux qui ont écouté la matinale ces derniers jours ont pu l'entendre. C'est Mariah Carey, son titre « All I Want for Christmas is You » sorti il y a 25 ans et à noter que cette année, elle réalise un exploit tout de même de nouveau avec ce titre, puisque 25 ans plus tard, elle est de nouveau numéro 1 au Billboard, ce qui n'est jamais arrivé. Hein, c'est carrément exceptionnel ce qu'elle réalise. Et ce titre, tous les ans, réalise des scores, des chiffres hallucinants, que ce soit en vente, en streaming, et on l'entend partout à la radio, dans les rues où il y a de la musique diffusée, on l'entend. Ouais. Enfin, c'est vraiment la chanson, on ne peut pas passer à côté, hein, chaque année, on l'a. Hein. Gilou, je pense que tu peux confirmer. J'ai choisi aussi, dans ma playlist aussi, de Noël, tu vois, voilà. Il n'a pas chanté Alain Barrière, non? Hier, j'ai fait un humble hommage à Alain Barrière dans mon émission. C'est ça que je t'en parle. Oui. Mais il n'a pas chanté Noël spécialement. Alain Barrière, je n'ai pas de souvenir comme ça. Non, ça me dit si joli. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, non, je ne pense pas qu'il ait eu des chansons de Noël à Alain Barrière. Non, je n'ai pas souvenir là. Chapeau Alain, en tout cas. Ouais. T'as vu, Gilou, tu pourrais embaucher notre Marion pour lancer tes sons en anglais. Il y a du niveau là. Ah oui, oui, oui, oui. Elle donne des cours pendant les vacances. Moi, arrêtez, je vais, les chèvres vont plus passer dans les parcs. J'ai toujours du mal un petit peu, moi, avec l'anglais prononcé. Très bon italien, par contre. Très bon italien. C'est pas mal. Mais elle donne des cours pendant les vacances. Je me débrouille, mais en anglais, je viendrai voir Marion, elle me donnera des cours. C'est son petit cadeau pour toi, pour Noël. Ce que je vous propose, donc, c'est. On a immortalisé tout à l'heure par une photo, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, parce que je ne vois pas beaucoup Marion. Alors, ce sera l'occasion. J'ai profité. Il va revenir anglophone. Je vous propose donc d'écouter Maria Carré, suivie tout de suite d'un titre que toi tu nous as proposé, Gilou. Hein, on va faire d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que tu aurais envie que l'on écoute comme première musique que tu nous as préparée? Parce qu'il nous a préparé une playlist de folie, hein, Gilou, que vous retrouvez dans les années bonheur, bien sûr, tous les jeudis, hein, ben, spécialiste de la musique. Oui, mais on n'écoute pas, Maria Carré. On écoute Maria Carré, t'inquiète pas. Ah, oui, oui. Tout de suite après, on enchaîne avec un son à toi. Ah, on enchaîne avec un son à moi. Alors, nos auditeurs vont se détendre. Je regarde un petit peu de tout ce qu'on a parlé. Qu'est-ce qui pourrait aller Ah, si, il y avait une chanson de Johnny. Ouais. Alors, allez. Une chanson de Johnny que j'aime bien. Alors, ça s'appelle Noël interdit. D'accord. Alors, c'est un beau texte. Là, il a une voix. Enfin, il a toujours une belle voix, mais là, c'est vrai qu'il a une voix formidable sur cette chanson. Et ça parle un petit peu des enfants qui sont démunis, etc. Quoi. Alors, si on peut écouter, voilà. C'est une très belle chanson de Johnny qui s'intitule Noël interdit. On est éclectique à la radio. On passe de Maria Carré à Johnny Hallyday. Vous inquiétez pas, vous êtes bien sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 24 décembre. Nous vous accompagnons aujourd'hui dans vos fêtes de fin d'année. On se lance tout de suite dans notre petite playlist musicale et on se retrouve juste après. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you. n'ayant jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. À l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains. Au hasard des mauvais chemins, une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit, je voudrais l'oublier avec toi. Oui. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie. Nous sommes toujours ensemble avec vous aujourd'hui sur Radio Guémozo pour fêter ces fêtes de fin d'année tous ensemble. Ça nous fait plaisir quand même d'être avec vous. On a entendu un petit son de Marion, de Gilou, voilà, sur notre thème un petit peu du jour quand même, notre thème de Noël. Alors Marion, tu nous as préparé un petit sujet sur les traditions culinaires à travers le monde. On va manger, on va parler nourriture. Alors, avec tout d'abord les spécialités en France, quand même. Bah oui. On va faire quelques spécialités françaises. Avec tu nous en as ramené un petit bout. Oui, j'en ai ramené, oui. J'ai essayé de... Alors, c'est vrai que... Alors, moi, j'appelle ça plutôt des bredele. mais du coup, c'est un peu compliqué de trouver des bredele. D'accord. Et en fait, ils appellent ça petit sablé. Petit et j'en ai trouvé qui sont pas mauvais d'ailleurs. Le paquet est presque vide d'ailleurs. Donc je pense que ça va. Ils apprécient bien mes collègues. Mais autre cette petite spécialité de petit sablé, on va parler donc du repas de Noël avec en entrée les classiques. On peut pas passer à côté du foie gras. Alors le foie gras, il fait un petit peu polémique depuis quelques années. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais oui, tout à fait. Il y a du faux gras, qui, pour ceux qui ne mangent pas de foie gras, il y a foie gras qui a été créé. Ça ressemble au foie gras, en aspect seulement, parce que gustativement... ça y est pas. Mais c'est pas du foie gras. Je pense pas que ça y ressemble. Mais en tout cas, voilà, il y a le foie gras traditionnel, les huîtres, et oui, pour ceux qui aiment, ouais. Les escargots, ouais. Le saumon fumé. Je vois que à la radio. Pour l'instant, je mange tout là. Voilà, bon, Vincent, ok. Alors, si on invite Vincent à Noël, faut prévoir tout ça. Tout ça. Pas okay. Que ça, tout ce qui va suivre. Le plat reste traditionnellement la dinde au marron. Oui. Même si personnellement, je ne suis pas forcément dinde au marron. Oui. Il y a, sec. Ouais, il y a le chapon qui est pas mal. Le chapon, ça parle. Faut le farcir, en fait, pour que ce soit moins sec. Comment ? Tu le farcis ? On le farcit, oui, oui. Voilà. Oui, d'accord. Oui, avec une... Merci, Lia. Avec une petite sauce. Non, mais avec une petite sauce d'accompagnement, ça peut être sympa. Oui. Mais sinon, il y a le chapon. le chapon, de plus en plus, les gens mangent du chapon à Noël. Sinon, on va parler des desserts. Des mais desserts, oui, avec la traditionnelle bûche. L'année dernière, oui, j'avais parlé de la bûche à l'orange, qui était le dessert fait par mon papa. Et j'avais essayé de la faire et ça avait été plutôt une réussite. J'étais plutôt fière de moi. En Provence, il y a le rituel des 13 desserts, dont Vincent parlait en début d'émission, personnalisant donc les 12 apôtres et Jésus. Cette tradition continue d'exister et on y retrouve alors le traditionnel pain à l'olive, pain à l'huile d'olive aromatisé aux zestes d'agrumes, appelé pompe à huile. Ah bon ? Voilà. Les confiseries et pâtisseries locales, comme par exemple les fameux calissons d'Aix. Ah oui, ça c'est super. Le nougat noir et blanc, les fruits confits en pâte frais et secs, raisins, amandes, figues ou encore noisettes. Et après la Provence, on va parler de l'Alsace, avec là une pâtisserie incontournable aussi depuis plusieurs siècles, hein, les gâteaux de toutes formes, les cristoles qui illustrent les thèmes et personnages de Noël, étoiles, sapins, croissants de lune, croix, etc. Le manneleux, oui, spécial dédicace à Chris. Pourquoi tu me regardes? Donc, qui est tressé comme les bretzels et depuis le XVIe siècle, on offre toujours à la Saint-Nicolas du pain d'épices parfumé avec de la cannelle, de la cardamome et des amandes et du miel. Alors après, suivant les traditions familiales, chez moi, c'était plutôt des clémentines avec du chocolat ou encore un petit pain d'épices en forme de Saint-Nicolas ou encore le manneleux qui est une petite brioche en forme de petit bonhomme maintenant. Enfin, en tout cas, dans les Vosges, c'est comme ça qu'on la trouve. Si je peux ajouter juste, la bûche remplace la vraie bûche qui brûlait. Et ça, c'est vrai, ça. Oui. Voilà. Oui. Sauf que maintenant, elle est glacée. En feu, non. Ou pâtissier. Ou pâtissier. Voilà. Allez, on voyage, ça vous dit ? Allez, vas-y. Allez, on va en Europe du Nord, avec la Finlande pour commencer. Et je m'excuse sur la prononciation. Parce qu'autant en anglais, je peux gérer, autant en finlandais, ça va être compliqué. Mais si, on te fait confiance. On mange le porkkanalatikko. D'accord. En Finlande, on mange du ongitjok. À tes souhaits. C'est un gigot avec de la viande d'agneau et de mouton bouilli, puis coupé en fines tranches. On le mange sur du pain ou des galettes de seigle avec des pommes de terre à la sauce béchamel et des petits pois. Ouais. Ça vous donne envie, ça ? Non, pas trop. Pas vraiment. Non, bon, alors pas on n'ira pas en Finlande à Noël. Okay, non. En tout cas, pas pour ça. Voilà. Oui. Voilà. Allez, on essaye la Suède. Ça s'intitule Smorgasbord. On peut traduire le Smorgasbord par table de pain beurré. On dirait que t'as bu un coup, tu sais, Smorgasbord. En Suède, on prépare un énorme buffet avec plusieurs poissons comme les anguilles, les saumons ou le hareng, des crudités, de la charcuterie, du pain, des œufs et des légumes. C'est mieux ça, non ? Ah oui, c'est mieux, je préfère. Ouais, c'est bien le Smorgasbord. Allez, on coche la Suède. Ouais. On essaye maintenant l'Islande. Ah ouais. Et c'est le même nom qu'en Finlande, le ongitjok, plat traditionnel des fêtes de fin d'année, donc toujours à base de viande et de mouton et d'agneau, et toujours ces pommes de terre. Donc là, l'Islande rejoint la Finlande, donc on n'ira toujours pas fêter Noël en Islande. Je sais pas, l'agneau, le mouton, ça me dit rien, moi. Je suis pas contre, moi. Michel il y va. Ok, on va te trouver quelqu'un pour t'accompagner. On va essayer maintenant chez nos voisins. Allez. On commence avec le Portugal, le bacalhau cozido. Le bacalhau cozido, plat typique du Portugal, qui est préparé donc avec ce poisson qu'on peut traduire par morue, qui est bouilli et accompagné de choux, de pois chiches, d'oignons, de persil et de pommes de terre. Là, c'est pas bon pour faire un petit peu le lover pendant les fêtes. C'est pas le bon plan. C'est pas faux. Choux, pois chiches, voilà. Mais... Oignons, ouais. Morue. Je crois que la morue doit dépasser tous les... Peut-être pour faire une petite pause après les fêtes, ça, peut-être, non ? Un genre de bouillon, peut-être. Oh, ça a l'air costaud, quand même. Hein. Du foie. Ça a l'air costaud, en tout cas, quand même. Voilà ce que mangent nos amis portugais. En Italie... J'ai trouvé le panforte, gâteau de Noël qui fait penser à un pain aromatique aux fruits d'hiver. D'accord. Et il me semble qu'on peut en trouver en France. Il me semble que j'en ai déjà vu. Oui. Nos voisins allemands, le Stollen. ça se prononce comme ça. J'ai pas fait allemand. Stollen. Good. il existe de nombreux gâteaux de Noël allemands aromatisés au rhum, à la cannelle, à la vanille, à la pâte d'amande, aux fruits confits ou encore aux raisins secs. Plus célèbre, donc, le Stollen, gâteau traditionnel brioché aux fruits secs, amandes, rhum et recouvert de sucre glace. Un petit peu costaud, mais pas mal. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ouais. Sans les fruits confits, pour moi. D'accord. Bon, moi, je prends le tout. Ça me botte bien. Oui, c'est pas mal. Ouais. Allez, on reste en Europe. Aussi, j'ai déjà eu l'occasion de goûter. Ouais. Voyez. En Alsace, ils doivent proposer un petit peu ça, non ? Qui est-ce qui va en Alsace un petit peu pour... Non, personne ? En Alsace, si, on y va de temps en temps. Ils ne proposent pas un peu des spécialités comme ça ? Je pense que ça peut se trouver notamment sur les marchés de Noël. Sur les marchés de Noël, voilà. À Strasbourg ou Kaisersberg. Ou même dans les supermarchés, malheureusement. Malheureusement, les supermarchés, c'est des gâteaux avec de l'huile de palme. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais oui, peut-être dans les boulangeries, dans certaines boulangeries alsaciennes. Dans des boulangeries, oui. Oui, non, mais c'est la tradition. Faites vivre vos commerces locaux. Voilà, ça peut se trouver. On reste en Europe et cette fois-ci, on se décale vers l'Est. Avec l'Ukraine et le Vareniki. Alors, à savoir qu'en Ukraine, Noël se célèbre le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Ah ouais. À l'occasion, 12 plats se succèdent. Alors, attention. Ouh la vache. Noël orthodoxe. Faut avoir l'estomac accroché. Ah oui. On y retrouve donc le Vareniki, des raviolis qui peuvent être préparés sucrés ou salés. On les fourre avec du fromage, de la confiture, du foie, du chou ou encore des champignons. Ah, pas tout mélanger, là, Non. Waouh. Non, parce que si on mélange tout, je mange pas. Hein. Par contre, séparément, pourquoi pas. Ok. Allez, on va direction la Slovaquie. Et le dîner de Noël, alors chez eux, c'est empreint de rituels religieux. Le repas commence traditionnellement par des opalti, sorte de gaufres plates faites dans des moules représentant des scènes saintes. Ces gaufres, partagées et dégustées avec du miel, font partie intégrante du rituel. Jadis, dans les villages, les gaufres étaient confectionnées en une fois la veille du 13 décembre, le jour de la fête de la Sainte Lucie, patronne de la lumière. Comme nous disait Vincent tout à l'heure. Voilà. Alors, excuse-moi, représenter des scènes saintes. Saintes, oui. Des scènes saintes. Oui. Même chez les tables. Incroyable ça. Mais c'est des artistes là-bas. La Sainte Lucie. Bah, ils ont peut-être des moules spéciaux. J'avouerais que j'y suis allée en plein été, moi, donc je sais pas. Mais faudrait que je demande à mes amis si. Ils mangent des gaufres en scène sainte, quoi. Ouais. Waouh. Je pourrais leur demander. Ouais, ça m'intrigue. Et donc après, chaque foyer contribuait en donnant une mesure de farine. Voilà. Tous, chacun amenait ça, c'est bien, de quoi ça. Faire. Le soir du 24, donc ce soir, elles étaient bénies avant d'être distribuées par les enfants à chaque famille. D'accord. Donc voilà, ils préparaient et puis après, c'est les ils enfants partagent. Qui distribuaient. C'est chouette. Ouais. Le repas se poursuit avec une soupe aux choux et aux champignons, puis un poisson. Bon. Plutôt diététique en Slovaquie. Oui, c'est vrai. Bon, après... C'est pas forcément tout le temps comme ça. En effet, comme dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, le jeûne de la journée du 24 est encore très important et on veille à ne pas manger de viande le 24 au soir. D'accord. Pourquoi alors ? Tu sais ? Pas du tout. Alors là, les traditions chrétiennes... Se réserve pour le 25 ? Les traditions chrétiennes, c'est pas du tout... Oui, pour se préparer pour le 25. Oui, pour se préparer pour le 25. Mais je pense que voilà, oui... Pour garder l'estomac un peu plus libre. Voilà. C'est vrai que nous, on a tendance à se gaver le 24 et le 25 et on fait le jeûne après. Et le 31. C'est vrai aussi, ouais. On fait un peu les choses à l'envers. On revient la nouvelle année, on a pris 10 kilos et on n'est pas très en forme. C'est ça. Et pour en ce qui concerne les desserts slovaques, sont constitués de petits gâteaux ou d'un biscuit aux graines de pavot et de pain d'épices. Et pour avoir déjà mangé des gâteaux slovaques, je vous le conseille. Ah. Ils sont vachement bons. Cette fois-ci, on traverse l'Atlantique, on va en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. On commence avec les États-Unis et leur traditionnel American Pie, tarte à base de citrouille, de noix de pécan, de pommes caramélisées ou encore de myrtilles et de fruits sauvages. Les Américains en raffolent en dessert de Noël, mais aussi la fête d'avant Thanksgiving. Oui, c'est vrai. Pourtant, ils ne sont pas très gastronomes là-bas. Hein. Non, c'est vrai que la gastronomie aux États-Unis, ils ne connaissent pas trop, mais en tout cas, cette fameuse tarte, ils en raffolent. Hein. Est-ce que c'est bon, moi ? J'en ai jamais mangé. Je suis allée aux États-Unis, mais j'ai pas mangé. Faudrait essayer. Ça me dit bien, moi. Ouais, peut-être non essayer d'en trouver une, je sais pas où. Bon, enfin, faut la faire. On fait un charter et puis on part pour après les fêtes. C'est bon. Parti. On demande au président s'il veut bien nous payer un billet d'avion. Je suis pas sûre. On va cette fois au Canada avec la tourtière plat typique qui nous vient du Québec et c'est un incontournable. Cette recette est communément appelée la tourtière du lac Saint-Jean. D'accord. C'est composé de pâte à tarte garnie de viande, généralement du bœuf ou du poulet, bien que traditionnellement c'est avec de la viande de gibier qu'elle était garnie. Ok. Les gibiers, c'est les caribous ? Ben, je pense, oui, là-bas, ils n'ont pas trop de biches sangliers, donc je pense que ça peut être le caribou, oui, ce qui se demande, rapproche. Faudrait que je demande à mon amie Lynn, qui est ben au oui Québec. Ouais. Là. Ah ouais, elle t'envoie faudrait pas des petits colis pour ce plat-là, pardon. Elle t'envoie pas des petits colis de spécialité, bah, là-bas. C'est plutôt des petits courriers. Fin... Ah bah, ça change. Ouais, bah, je vais essayer, je vais lui demander qu'elle m'envoie un petit colis. Chacun s'envoie un petit colis de petite douceur ouais, de ouais, chez ouais soi. Par exemple, hein, oui, pour oui, Noël. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Voilà, on va faire comme ça, ouais, ouais. Alors, avec ce plat, rien de très extraordinaire, vous me direz, mais ce qui en fait sa particularité, c'est son assaisonnement. En effet, c'est généralement assaisonné avec de la cannelle, du clou de girofle et du piment de Jamaïque. Ah oui, c'est remonté, quoi. Ah ouais. Hop. Ça décoiffe. Hein, c'est histoire de se mettre en... Bah, il fait froid à Québec. Bah, attends, il y en a un qui fait très bien l'accent québécois, d'accord. Non, non. Je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Pour le Québec, alors là, je parlerai de ville et de température. La température qu'on n'a jamais... Enfin, qui a été enregistrée la plus fraîche au Québec, ouais, enfin au Canada. Donc c'est dans la ville de... Ah, j'ai entendu ça l'autre fois, c'est la ville qui m'échappe. C'est pas grave. Véron. Ça doit être dans l'ouest, non ? Oui, ouais. Et ils avaient enregistré moins 62 degrés. Mmh. Voilà, c'était ouais juste une non, petite... Non, mais j'ai une copine qui vit dans l'état d'Alberta. Je crois, oui, vers Edmonton. Ouais. Et au mois, de, je sais plus, octobre ou novembre, ils avaient déjà des températures négatives oui et avec de la neige. En ce moment même ? En ce moment, je sais pas quelle température il fait. Tiens, je vais pas alors, demander. Elle a rien mis sur les réseaux sociaux, mais il doit pas faire très chaud. D'accord. Le Québec, c'est encore pas trop froid actuellement, d'après les contacts que j'ai. Donc, ouais, avec, mais avec ça, c'est quand même plus froid. Ah, c'est plus froid que chez nous. Ah bah oui, forcément. Chez nous. Mais il y a encore pas trop de neige. Non, ça va. Ouais. D'ailleurs, la neige nous manque un petit peu en ici, cette oui année. On passe de plus en plus d'années sans neige. Ouais, sans neige. Bah ouais. C'est un petit dommage, peu hein, triste. Ça enlève de la magie de Noël, c'est comme on dit. C'est rare. C'est toujours été rare la neige à Noël. Hein, oui. La neige, elle tombait non souvent les premiers jours de janvier. On allait d'ailleurs souhaiter la bonne année aux voisins, aux parents, début janvier. Et c'est là la plupart du temps qu'on voulait se déplacer et qui neigeait. Mais à Noël, j'ai... Enfin, au cours de mon existence, je peux dire que j'ai rarement vu de la neige à Noël. Un Noël sur trois, à peu près, pas mieux. D'accord. Ah bah là, on est plus qu'à un Noël sur trois. Là, voilà, maintenant, oui, c'est sûr. On continue notre petite tour gastronome. On a eu quand même quelques Noëls enneigés. Oui, bien quand sûr. Même, ouais. Ils veulent pas. Je continue avec allez, vas-y, la nourriture continue au Canada. Je vous en... Alors, parce qu'ils aiment bien manger hein, au Canada, c'est vrai qu'il fait froid, donc ils mangent. Ils boivent aussi. C'est vrai. Il y a aussi de la soupe au pois. Oui. Son origine date du 18e siècle. Le ragoût de pâte de cochon. Ouh. Ah, ah oui. Oh. On aime ou on n'aime pas. Bah, faut déjà avoir envie de goûter, quoi. Voilà. Personnellement, je fais l'impasse. Il y a d'autres choses meilleures. La dinde rôtie. Ouais. La six pailles. Alors ça, c'est une recette qui nous vient du Québec. Constituée de six pâtes garnies successivement par de la viande. Alors attention. Donc, pareil, à l'origine, c'était plutôt du gibier, mais maintenant, c'est plutôt de la volaille, puis de pommes de terre en cubes. D'accord. Et le tout copieusement assaisonné, puis cuit très lentement au four pendant 4 heures. Ah oui. Et on nous précise un plat qui tient chaud, parfaitement adapté à la vigueur du froid canadien. On se prépare à l'avance hein, pour faire ces plats de Noël. C'est ça. Peut-être ah bah, que vous qui nous écoutez, vous êtes en plein dedans. Dans les pays bon comme courage ça, américains, généralement, ils s'y prennent tôt le matin oui pour que tout soit prêt, tellement il y a de plats. Mais oui. À noter que tous ces plats sont souvent accompagnés de pommes de terre, de carottes ou de navets. Et ou, pourquoi pas, de purée de canneberge. D'accord. En dessert, eux aussi, ils ont la bûche de Noël. C'est pas nos cousins pour rien. Ils ont aussi le pudding chômeur. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Le pudding chômeur. Oui. Alors, ça nous précise que donc, le pudding chômeur n'a rien à voir avec le pudding classique. C'est l'un des préférés des Canadiens et pour cause, puisque ce délicieux gâteau est caramélisé au sirop d'érable. D'accord. Ah, oui, d'accord. Tout de suite, ça donne envie. Oui. C'est vrai. Et pour qu'on puisse se rendre compte, le pudding chômeur ressemble à un 4 quarts nappé de sirop d'érable. Ok. Alors, le 4 quarts, hein, on connaît, c'est quand même bien consistant. Ouais, ça tient bien au ventre, quoi. Il y a aussi les beignes canadiens. Ça ressemble à nos beignets, ou plutôt aux donuts avec un trou... au milieu. On connaît, hein, au milieu. Et on nous précise aussi qu'au Canada, ça n'est pas Noël sans Chicken Buns Candy. D'accord. Oui. Ce sont des bonbons roses en forme d'os de poulet qui sont très appréciés des enfants, mais aussi des adultes. Ah oui, on en voit dans les films parfois. Ouais. Mmh. Cette sucrerie est fourrée avec du chocolat au lait et de la cannelle. D'accord. Si vous avez encore faim, vous pouvez tester la tarte au beurre, faite à base de beurre, bien sûr, mais aussi de sucre, de sirop et d'œuf. Oh la vache. Okay. Tout ça en un seul repas? Je pense pas. Enfin, j'espère pas. Et à noter que pour cette tarte au beurre, certains y ajoutent des noix de pécan et du raisin pour varier. Mm-hmm. Voilà. Et on termine avec la tarte aux noix de pécan. D'accord. Voilà, pour le Canada. Eh bien. Je pourrais rajouter quelque chose. Vas-y, Michel. Alors, j'ai eu pour invité une petite Québécoise. Oui. Pour lui dire qu'elle est canadienne, elle est québécoise. C'est vrai qu'ils n'aiment pas, hein, qu'on mélange. C'est vraiment la tradition. Et qui parlait de la tradition aussi de la sucette. Ah, oui. C'est-à-dire de la glace avec... Avec du sirop d'érable. Alors, oui. C'est sur l'embouchure du Saint-Laurent. Ah oui, c'est vrai. Alors, en fait, ils les font pas gelés, là. Le Saint-Laurent, oui, je connais, oui, oui. Oui, la sucette, je connais. Les sucettes de glace. Ah non, ça, non, non, de glace non, avec non, non, du sirop d'érable. Non, alors, non. C'est pas la sucette qui ça, est de glace. J'en avais pas parlé avec. C'est des morceaux de glace que tu récupères. Non. Et puis. Non. C'est quoi, là? Non, c'est pas ça. C'est tu as de la glace qui est étalée. Alors, sur une table ou je ne sais pas. Dessus, ils versent. Du sirop d'érable en ligne, ils te mettent un bâton et avec le sirop d'érable, ils te le tournent et seulement après, comme le sirop d'érable a durci, ça te fait une sucette au sirop d'érable. C'est ça. Voilà, oui, mais je suis d'accord avec toi, hein, moi j'ai tout un raccourci. C'est même sûr puisque je l'ai vu de mes yeux. La glace, c'est le sirop d'érable. Il y a des endroits où voilà, tu ne consommes que du sirop d'érable là-bas pendant ces périodes-là. Ils en mettent un peu partout, hein, sur leurs saucisses et tout ça. Ouais. Je confirme, j'étais dans un restaurant où tout était à base de sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable, mais pas forcément avec de la viande, des patates. Parce que ça doit être assez sucré. Oui, je pense. Pas, puis ça a un goût un peu particulier, alors que le sirop d'érable sur des pancakes, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, c'est vrai que nos amis québécois ou même canadiens ont des goûts un petit peu particuliers. Qu'est-ce que vous avez préparé, vous, pour manger? Rien. On verra bien. Moi, je vais en Provence. Moi, je suis parti à 13 desserts. C'est sûrement. En cours. Je suis parti à la chasse aux escargots. Vincent, il va en Provence. Je me permets d'ajouter juste à ce chapitre culinaire. Ah, mais j'ai fini. Ah bon, vas-y, rajoute. Non, mais j'en rajoute juste parce que. On va plus avoir faim. On est le jour de la Noël. Je vais quand même partir au collège, bien que ce soit le jour de la Noël. Ça fait rien. Au club radio. Et donc, je disais. Les banquets, il y en a tout le temps dans ce site. Et ça me permet d'ajouter ce que je n'ai pas eu le temps de dire. À la Saint-Martin, le 11 novembre, qui était le début de l'année, du cycle de l'année dans des anciennes traditions celtiques, on avait aussi les banquets de la Saint-Martin. On mangeait de l'oie. Il y avait des feux aussi. Tout le temps les feux aussi. Mm-hmm. Le feu de la Saint-Martin. Martin Feuer en Alsace. Donc là, feu. Là, dès le 11 novembre, le 24, le 25 à la bûche. Et puis les rois, bon, c'est toujours aussi le sens, toujours. Oui. Et la couronne de l'Avent, j'ajoute qu'on a oublié, que je n'ai pas dit tout à l'heure, qui commence avant. Eh bien oui, forcément. Et puis il y en a d'autres, mais bon. Voilà, il y en a tellement à dire qu'on pourrait y passer peut-être la journée. Voilà. Je l'aurais dit à mon émission de avant-hier soir, vendredi. D'accord. Vendredi dernier. Avant. On laisse finir Marion, du coup. Oui. Allez, on va au Mexique. Ça s'intitule le mole poblano. on mélange le plat et le dessert. Oh. Ah. Ce qui nous donne une dinde au chocolat. Oh, mmh. Bah, écoute. Mais bon, on y retrouve quand même sur la table un cochon de lait, un plat de morue, sauce chocolat. Bon, bah, oh. Ils aiment bien le chocolat au Mexique. Bon, après, chacun ses habitudes. Hein. Bah, ouais, c'est, bah, sûr, hein. C'est spécial quand même. Hein. Ouais. Au Venezuela, ce sont les alacas qui donc, sont confectionnés. C'est des petits paquets de crêpes fourrées à la viande de bœuf ou de porc, de raisins secs, d'olives, de poivrons, qu'on enveloppe de feuilles de bananier à l'aide de ficelles. On les plonge ensuite dans l'eau bouillante. D'accord. Bon. Pourquoi pas ? La ficelle, ça passe bien. Bon, bon, c'est, je ne sais pas. tu testeras, oui. Et puis tu nous diras. Au Brésil, c'est un panettone, célèbre dôme fourré au raisin sec, fruits confits, zeste d'agrumes. C'est donc le dessert traditionnel au Brésil. On va de l'autre côté, en Pacifique et Océanie. Et j'ai tapé large. Hein, ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. On fait le tour du globe. Ah, c'est un petit tour du monde. On va aux Philippines avec les bibincas. Donc, aux Philippines, Noël est vraiment pris au sérieux. C'est d'ailleurs l'un des seuls pays d'Asie où la fête possède une réelle importance. Puisque, comme Lou nous l'avait signalé, dans les pays asiatiques, ils ne sont pas très Noël. Oui, plutôt parce que, décoration. Parce que les Philippines, c'est chrétien. Voilà. Oui. Mais voilà, donc Philippines, Noël à fond. Le repas du réveillon est souvent composé de jambon, de poulet grillé, de porc rôti, de fromage, ce qui prend souvent la forme d'un grand buffet. Bien sûr, le riz y possède une place importante et il est cuisiné sous toutes ses formes. Pas de bûche au dessert, mais des bibincas, des gâteaux faits à base de riz, de lait de coco et d'œufs. Pour en intensifier le goût et les saveurs, on le prépare puis on le cuit dans des feuilles de bananier et dans un récipient de terre cuite. D'accord. Bon. Voilà. En Australie, eux, c'est plutôt le pudding anglais avec sa crème custard qui est la crème phare du Noël australien, tout comme le Christmas pavlova, la meringue croustillante et moelleuse. Et il y a aussi la tourte à la viande de jambon à l'os cuit au miel. Bon. Okay. Voilà. Et pour terminer, je vous ai choisi deux pays africains. L'Éthiopie avec le Doro Wat Suringer. Pas sûr que ça se prononce comme ça. En Éthiopie, on savoure à Noël, donc ce plat que je viens de citer, qui est un ragoût de poulet. Attention, le plat est beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît. Il faut d'abord réaliser l'injera, un aliment phare de la cuisine éthiopienne, qui est en réalité une fine galette faite à partir d'une pâte fermentée à base de farine de teff ou à base de céréales selon la région. Le plat est ensuite agrémenté d'un mélange d'épices appelé berbéré, cumin, cardamome, clou de girofle, gingembre ou encore piment de Cayenne. D'accord. Bon. Et on termine avec le Sénégal et le tiboudien de poisson. Tiboudienne. Ah, il connaît. Voilà, il connaît Michel. Donc, bah, vous pouvez en déguster au marché de Noël sur la place, là. D'accord. Dormirement. Ah ouais. Bah, voilà, et bien, super. Pour Noël, ils servent généralement donc, du tiboudienne, le plat emblématique de l'Afrique de l'Ouest, réservé le plus souvent aux festivités comme les mariages ou les célébrations religieuses. Il s'agit d'un grand plat de riz cuisiné aux tomates, accompagné de poissons, de légumes comme les carottes, les navets ou encore les aubergines, à manger en famille, dans le même plat et avec la main droite pour respecter la tradition. Eh ben voilà, super. En sachant bien qu'il y a des tiboudiennes aussi au poulet. D'accord, pour tous les goûts. Etc. Hein. Donc vous pouvez en déguster. Enfin, c'est plutôt du poulet biazo, oui. sur la place. Ah ben un petit coucou aux amis sénégalais qui, en ce moment... Ben super. Dans les chalets sur la place. Mais on les embrasse. Moi, j'avais une petite question. On passe manger quand, Marion? Ah, tu veux que je te prépare quoi? Parce que... Bah, écoute, on va laisser tomber un petit peu les plats du début, là. Tu vas plus... pas en Finlande, ni en Suède, non, ni en Islande, voilà, d'accord. Ni au Portugal. Portugal, non. Moi, je sais pas, les plats un petit peu plus... Les plats slovaques, italiens. Si, un plat par jour jusqu'au Nouvel An. Ouais. Voilà, jusqu'au 6 janvier. On revient puis après. Jusqu'à la fin du cycle, un plat par jour de chaque. Oui. Eh bien, merci beaucoup Marion pour ce tour d'horizon, voilà, de tous ces aspects culinaires que l'on peut retrouver à travers le monde. Alors, on avait un petit peu oublié après notre deuxième pause musicale, eh bien, de faire un petit coucou à Lou, hein, oui. Qui nous a enregistré un petit son venu du Japon, là où elle fête eh bien, sa lune de miel. Hein, d'ailleurs, on l'embrasse bien fort, Lou. Et puis, on s'en suivra tout de suite avec le son de Chris. Allez. Hein, qu'est-ce que tu nous avais préparé? J'ai préparé Elevate. Oula. Il a un bug. Ça commence mal. Elevate my love de Brandon Jarrett. Tu veux que Marion le dise? Ah, j'ai pas le nom sous les yeux, hein, comme ça. Bon, allez, vas-y. Elevate My Love de Brandon Jarrett. C'est une chanson, c'est la bande originale de mon film de Noël préféré qui s'appelle Merry Christmas ou Joyeux Baiser de Noël. Oh, et ça m'étonne pas, ça. Ouais, et donc voilà, le film entre autres avec Brandon Dougherty et Carissa Lee Staples. Mais bon, ça voilà. Bah oui. C'est ma chanson de Noël que je préfère, donc j'ai décidé de passer celle-là. C'est trop chou. Ouais, je sais. On t'adore, Chris. On écoute Lou du Japon et puis on continuera donc tout de suite avec cette chanson qui nous met quand même dans l'ambiance. Hein. Oui. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Lia, bonjour Marion, bonjour Gilou, bonjour Chris, bonjour à ceux présents dans le studio que je n'ai pas cité et bien entendu bonjour aux auditeurs du 107, c'est votre petite Lou depuis le pays du soleil levant, à savoir le Japon. Et oui, je profite de mon petit voyage pour vous faire un aperçu de ce qu'est Noël au Japon. Alors attachez bien vos ceintures, car la compagnie RRGM vous emmène faire un petit détour à 10 000 km de nos Vosges qui, j'espère, sont enneigées. Dès qu'on arrive sur place, de jour comme de nuit, on est rapidement plongé dans l'ambiance, si on sait faire attention aux bons détails. Les magasins passent des playlists spéciales Noël, les bâtiments et statues sont décorés, il y a des sapins décorés avec des faux cadeaux à leurs pieds un petit peu partout dans la ville et le plus important se voit à la nuit tombée, je parle des illuminations. En effet, les arbres sont garnis de guirlandes lumineuses de leur tronc à leurs branches. Certains motifs sont projetés sur les buildings, comme par exemple des rennes, c'est ce que j'ai le plus vu personnellement. Il y a par endroits de vrais spectacles son et lumière autour de l'ambiance de Noël et les parcs deviennent de véritables œuvres d'art à la nuit tombée. Vu sous cet angle-là, tout porte à croire que les Nippons fêtent Noël comme nous occidentaux, mais il n'en est rien. Noël est à la base une célébration religieuse chrétienne. Et oui, et les croyances principales au Japon sont le bouddhisme et le shintoïsme, les croyances chrétiennes n'étant adoptées que par 2% de la population insulaire. Pourquoi dans ce cas la célébration de Noël est tellement imprégnée dans leur culture ? Pour rappel, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a perdu face aux États-Unis. Beaucoup de familles américaines s'y sont installées et ont avec eux emporté leur culture occidentale. Bien que le Japon soit maintenant débarrassé du joug américain dit « libérateur », la culture américaine y a plus que gagné sa place. Et le fameux Xmas aussi. Est-ce pour autant que Noël n'y est célébré que de manière visuelle? Bien sûr que non. Il y est seulement fêté différemment. La plupart du temps, on passe Noël entre amis ou entre amoureux autour d'un bucket de poulet frit. Pour la petite anecdote, ce sont les expatriés américains qui ont sans le vouloir lancé la tradition en cherchant désespérément de la dinde pour le repas de Noël. Le géant du fast-food de poulet frit y ayant vu une opportunité, c'est ainsi que la tradition est née. Elle est désormais tellement imprégnée qu'il est préférable de réserver son poulet frit pour être certain d'en avoir. La tradition est toutefois peut-être en train d'évoluer puisque j'ai vu des publicités de traiteurs pour des repas de famille, mais nous verrons cela dans quelques années. J'ai parlé de nourriture, mais Noël, pour nous, c'est l'attrait des cadeaux. Sommes-nous imités par nos chers Japonais? Eh bien oui et non. Les cadeaux qui sont faits ne sont réservés qu'à l'élu de son cœur, ou aux élus, hein, on ne sait jamais, et là où on donne un petit peu plus de cadeaux, c'est réservé au Nouvel An, on va y revenir. La soirée de Noël se passe, comme je le disais, dans l'intimité, dans le plus grand calme ou avec des amis, et se termine la majeure partie du temps par une promenade dans les rues de la ville pour admirer les illuminations. Le Nouvel An, à contrario, est une fête beaucoup plus familiale où on part vraiment voir sa famille si elle se trouve en dehors de la ville, se retrouver autour d'un repas traditionnel et où on se rend au temple pour prier. Je pense que ça vous rappelle une fête qui arrive dans peu de temps. Au final, mis à part l'apparence et l'ambiance, les fêtes de fin d'année sont célébrées au Japon de façon inversée par rapport à chez nous. Le Noël fêté en France ressemble au Nouvel An du Japon et le Nouvel An chez nous ressemble au Noël au Japon. Après tout, avec 10 000 km de décalage, il n'est pas surprenant que Noël, là-bas, soit imprégné de la culture locale. Je vous remercie d'avoir fait confiance à la compagnie Air RGM pour votre voyage. J'espère que vous avez fait un agréable vol en notre compagnie. Vous pouvez détacher vos ceintures et rejoindre votre terminal sans plus tarder. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, de merveilleuses fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2020. Joyeux Noël à tous! Chasing clouds as they go by, trying to find the reason why. You elevate my love. I can't wait, gonna cross the Frisco Bay. Hoping we could celebrate. Cause I'm twilipated by your touch. Captivated, you're too much. Elevated by this Christmas kind of love. Dedicated, you're the one. Celebrated Christmas fun. Elevated by this Christmas kind of love. Circumstance. My Christmas wish came true. Took some time to understand, but now my heart is in your hands. You elevate my love. I can't wait, gonna cross the Frisco Bay. Hoping we could celebrate. Cause I'm twilipated by your touch. Captivated, you're too much. Elevated by this Christmas kind of love. Dedicated, you're the one. Celebrated Christmas fun. Elevated by this Christmas kind of love. Twilipated by your touch. Captivated, you're too much. Elevated by this Christmas kind of love. Dedicated, you're the one. Celebrated Christmas fun. Elevated by this Christmas kind of love. Nous sommes toujours avec vous aujourd'hui et bien pour cette émission spéciale Noël. Je remercie toutes les personnes autour de la table qui ont bien voulu participer à cette émission. Pour nos auditeurs, merci beaucoup à vous tous. Vincent nous s'en est allé vers des contrées lointaines, peut-être pour préparer son repas de Noël, on ne sait pas. On t'embrasse, Vincent. Alors, on parle beaucoup de traditions, de fêtes. On n'oublie pas aussi ceux qui passent Noël peut-être seuls. Et malheureusement, en France, une personne sur 10 souffre de solitude et d'isolement. Et c'est une réalité difficile au quotidien, mais encore plus douloureuse les soirs des fêtes. C'est pour ces personnes que la Fondation de France a créé les réveillons de la solidarité des fêtes solidaires et participatives de fin d'année qui permettent de tisser des liens pour un soir, mais aussi parfois dans la durée. Et chaque année, les réveillons de la solidarité offrent un moment de partage chaleureux et festif à plus de 25 000 personnes fragilisées dans leur quotidien. Partout en France. Alors sur le site, il nous explique qu'il faut répondre à un appel à projet afin de pouvoir organiser un réveillon solidaire. Cet appel à projet s'adresse exclusivement à des organismes à but non lucratif. Les petites associations n'ayant pas accès à d'autres ressources sont privilégiées. Donc, ils nous aident, nous, associations et organismes, à organiser un réveillon solidaire. Alors, peut-être qu'un jour, nous aussi, à Radio Guémozon, on fera quelque chose comme ça. Localement, les associations Spinaliel, La Diversité 88, 3e Rive et Mirador organisent un réveillon solidaire cette année. Il s'agit d'une soirée festive interculturelle pour clôturer l'année 2019. Mais malheureusement, j'ai constaté que cette action locale restait presque unique. C'est mon petit coup de gueule du moment parce que voilà, j'ai remarqué qu'il y avait très très peu d'organismes, de citoyens qui organisaient des réveillons. On est vraiment entre nous, hein, et puis on pense pas forcément à ceux qui sont seuls. Michel, tu voulais dire quelque chose? J'ai un message aussi par rapport à la ludothèque de Remiremont. Oui. Hein. Donc, pour les enfants, alors cette ludothèque aujourd'hui a une difficulté financière par un manque des retards dans les subventions et autres. Et elle lance un appel aussi, Jackie, qui est sa présidente, lance un appel aussi sur des. Non seulement sur les ondes, mais aussi sur Internet, justement, pour aider cette ludothèque de Remiremont. Eh bien, on la recevra. Vous pourrez retrouver Jackie, elle est au marché de Noël, parce que je peux dire quelques mots sur le marché de Noël. Bien sûr. Celui qui est situé à Gamvert, c'est-à-dire sur la zone de Béchamp, comme on l'appelle traditionnellement. À savoir que là, vous retrouverez pas mal d'artisans, de producteurs, hein, oui. qui vraiment... Des produits de qualité, des produits inventifs, des produits artistiques que vous pourrez retrouver. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a 24 exposants dans ce marché de Noël. Et puis, sans oublier, bien sûr, le marché de Noël de la place à Remiremont. Hein. Alors, il y a beaucoup de chalets aussi, associatifs, solidarité, etc. Je ne vais pas tous les citer non plus. Alors, d'ailleurs, je ne les connais pas tous. Hein, mais en sachant quand même que ça existe, non seulement, mais que ces bénévoles-là, la plupart du temps, ces bénévoles-là, ils sont là sur la place à Remiremont, quelquefois, dans des conditions pas toujours faciles, hein, parce que les chalets, même s'ils trouvent les méthodes de chauffage, il n'empêche qu'il faut tenir une permanence et ça mérite quand même... Vous méritez le détour, ne serait-ce que pour leur faire un petit coucou. Et puis on en profite pour consommer un petit peu localement, hein, même beaucoup passionnément, à la folie et sans modération. On pense à nos artisans locaux. Faites vivre un petit peu votre ville, nos savoir-faire sont magnifiques ici. Et puis il y a deux associations qui sont sur le marché de Noël à Gamvert. Il y a ADEMAT, qui est notre partenaire. Hein, c'est-à-dire la défense de l'hôpital, la maternité de l'hôpital de Remiremont. Mm-hmm. Il y a un stand que vous pouvez visiter, et puis qui est jumelé avec Asile 88, l'aide aux migrants. Il ne faut quand même pas qu'on les oublie, parce qu'il y a des migrants aujourd'hui qui sont dans le froid, qui sont dans le besoin. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux. Oui. Et Asile 88 accueille justement des migrants, les aide dans leur démarche administrative en particulier, mais pas seulement, hein, c'est-à-dire assurer aussi leur subsistance souvent. On salue toutes ces associations qui aident. C'est Asile 88. Oui, mais il y en a plein d'autres et on les salue toutes pour. Mais c'est sur toutes les Vosges. Hein. D'accord, Michel. Je comprends bien. Voilà, on embrasse toutes les personnes qui sont seules et qui. Voilà, on pense à vous tous qui nous écoutez ou pas d'ailleurs, mais on a vraiment une pensée pour chacun d'entre vous. Noël, c'est un vrai business. Hein, je le disais un petit peu en aparté tout à l'heure. On parlait de sapin, 23% des Français ont opté pour un conifère. Ce chiffre présente près de 6,3 millions de foyers d'après une enquête. À votre avis, à combien est estimé le chiffre d'affaires de ce marché du sapin de Noël? Allez, on se lance. Là, on est collé. T'as dit qu'il y avait combien de sapins? 23% des Français ont opté pour un sapin. Ça représente 6,3 millions de foyers. Elle a un petit calcul, là. Par rapport aux 30 millions, à peu près, de foyers. Wow. Mais non, s'il y a 6,3 millions de foyers, je ne sais pas combien est vendu le sapin. Ah. Peut-être 63 millions d'euros. 160 millions d'euros. Hein, j'étais loin. Voilà, le business du sapin de Noël est assez lucratif. Elle est assez lucratif. Les formes de consommation alternatives, elles se sont imposées hein, au pied du sapin. Note cette nouvelle enquête. À votre avis, combien en pourcentage les Français se disent prêts à offrir des cadeaux d'occasion à Noël? Parce que oui, ça existe, on peut offrir des cadeaux d'occasion. À votre avis, combien de pourcents de Français? 5, qui dit mieux? Moi, j'irai un petit peu plus. Allez, lance-toi. Oh. 30%. 30. 17. Oui. 25. D'accord. Michel. 20. Allez, c'est Gilou qui a gagné, c'est 50% des Français. Ah, quand même. Voilà. Quand même. Et oui. Il me semblait bien, oui, j'avais entendu aussi. Voilà. Ces choses-là, ouais, ouais. Et pourquoi pas, hein, parce que voilà, on consomme aujourd'hui des objets souvent qui viennent de Chine. Hein, donc on produit, et ces objets finissent souvent non utilisés à la poubelle, malheureusement. Oui. Hein, donc recyclez vos objets et voilà, offrez vos cadeaux dont vous ne servez plus. Et encore une fois, en pourcentage, combien de Français ont déjà revendu des biens pour acheter des cadeaux et augmenter leur budget pour offrir des cadeaux de Noël? 75. Allez. Ouais, 80. 80. 60. 32. 30. C'est Michel qui a gagné. C'est 10% des Français qui revendent des biens pour acheter des cadeaux de Noël et augmenter leur budget quand même. Hein. Bon, faut y penser. Voilà, il y en a voilà, qui n'ont pas forcément le budget pour faire plaisir à leurs proches et ils n'hésitent pas à bah, peut-être voilà, se séparer de certains biens dont ils ne se servent plus aussi. Ça marche. Enfin, si le Père Noël n'a pas bien fait son travail, ben c'est pas grave. Hein, la revente de cadeaux n'est plus un tabou. 4 Français sur 10 envisagent de le faire pour des biens qui ne leur plaisent pas. Le site de revente en ligne y voit d'ailleurs leur activité doubler dans le mois qui suit Noël. On a vu beaucoup d'applications de sites voilà, qui aident les particuliers à revendre le cadeau moche qu'il a reçu et dont il ne veut pas. Ce n'est plus un tabou. Qui a déjà revendu ses cadeaux? Jamais. Non, jamais. Non. Personne ne revend ses cadeaux de Noël? Éventuellement redonner. Ouais. Mais pas offrir, revendre. Oui, mais non. Ah bah c'est bien. Oui, mais oui, bah oui, voilà, offrir, oui, oui. Moi je, c'est bien. L'année dernière, je crois que j'avais eu le calendrier de Johnny en double. Ah. Ben, l'agenda, un bel agenda quand même. Hein. Bon, si vous savez, je l'ai offert. Johnny. Pardon? J'ai eu peur, j'ai cru que tu n'aimais plus Johnny. Ah, ah. Si. Si jamais vous avez le numéro 67 de Salut les copains avec la grande affiche, n'hésitez pas, Gilou sera ravi de le récupérer. Numéro 47 de Salut les copains. Ah, 47, je dis 67, pardon. 47. Oh ouais. Voilà, donc si vous avez ça dans vos tiroirs. L'affiche, la photo du siècle. Voilà, c'est ça. On a entendu il y a quelques jours dans ton émission. C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà, c'était pour ma petite aparté concernant le business de Noël. Il y en aurait beaucoup encore à dire. Hein. C'est vrai que ça représente quand même des chiffres assez astronomiques pour nous, un petit peu classe moyenne, qui se sacrifions parfois pour offrir eh bien, des cadeaux à nos proches. On peut aussi offrir eh bien, des cadeaux d'artisans et des cadeaux qu'on a chez soi. On recycle un petit peu ces objets. On aurait dû le faire aujourd'hui tous ensemble, mais je pense qu'on le fera après voilà. Cette émission. On s'offrira tous un petit cadeau qu'on avait chez soi et dont on ne se servait pas. Voilà, vous pouvez aussi faire ça à la maison, pourquoi pas. Chris, on continue avec toi, oui. Les traditions que tu nous as préparées à travers le monde. Donc après, Marion a parlé des traditions culinaires. Moi, je vais parler des traditions, on va dire, en général dans le monde. Donc, on va commencer par le Portugal. Au Portugal, les cadeaux de Noël sont donnés la veille de Noël par le Père Noël ou l'enfant Jésus, selon les croyances. Ceux qui ont une cheminée y brûlent un tronc d'olivier ou de châtaignier et trouvent leurs cadeaux dans les chaussures qu'ils apposent en face. D'accord. Il est fréquent, d'ailleurs, de retrouver une crèche dans les foyers portugais à laquelle les parents ajoutent au dernier moment la figurine du petit Jésus pour surprendre les enfants. Mais ça, c'est pas qu'au Portugal. Hein. Moi, ma maman, elle le faisait tout le temps, ça. Elle mettait le petit Jésus après. Il fallait pas le mettre avant. Oui. Voilà. Il y a aussi une expression triviale, mais je la citerai pas. Moi, il est incrusté dans la crèche, alors ça aurait été un peu compliqué. Ils ont triché. Tu l'as même idée. Il n'est pas né avant le 24, non. Et donc, pour le menu, comme Marion parlait, il y avait beaucoup de morue au Portugal, et le bol-oreille, c'est le gâteau. Alors de... Alors le mot morue, faut savoir, je te coupe 2 secondes, ouais. Mais fait beaucoup rire Gilou. Pourquoi bacao, comme ça... Il y a beaucoup de bacao. Il rira moins. Et le bol-oreille, c'est le gâteau de fruits confits typique du Portugal. Oui. Ensuite, on va aller du côté du Royaume-Uni. Mm-hmm. En décembre, les Anglais s'envoient de jolies cartes de vœux bien décorées qu'ils suspendent dans leur maison jusqu'au mois de janvier. Ah, c'est beau, ah, ça. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est génial. Je, ah, peux, oui. je peux rebondir. Ah, bah, bien évidemment. Sûr. Les cartes de vœux, ça, je trouve que c'est super. Oui. C'est très joli, très beau. Il y a des superbes cartes. Et bon, mais ça perdure quand même. Je veux dire, avec les, bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, etc. Ça sert c'est un peu. Enfin, c'est un peu dommage parce que tous les gens s'envoient les meilleurs vœux, machin, tout ça. Ah, moi, je mets un message sur mon mur comme ça. Les gens, ils voient. Oui, mais c'était je trouve que c'était super, mais. Ah oui. Mais ça continue quand même. Oui. Je trouve que c'est super de recevoir une belle carte. Mmh. Belle carte oui. Ma maman, elle fait ça, elle reçoit des cartes voilà, encore et elle les envoie. C'est j'en reçois une de mon père tous les ans. Ouais, non, mais c'est sympa. Bon, file-nous ton adresse, on t'en elles sont tellement jolies, alors avec des paysages de neige, avec des motifs Père Noël, enfin des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est beau, ça. Bah oui. C'est mieux qu'un petit. Alors. Bon, chacun fait comme il veut. Non, mais c'est vrai, moi, je le fais aussi, mais on peut pas envoyer des cartes à tous nos amis. Ah, parce que j'en vois, il faut un budget, là. Hein. Oui, mais non, mais c'est ça. Il faut demander une augmentation au patron, là. Mais non, mais c'est bien, ça, c'est vrai. Ouais. Que c'est, voilà, en plus, on peut les accrocher, on en fait des guirlandes, après, c'est génial. Allez. Une autre tradition de Noël au Royaume-Uni, c'est les crackers de Noël. Ce sont des gros bonbons de papier brillant cachant des petits cadeaux et une couronne que l'on craque, d'où le nom cracker, au moment du repas. Et la tendance du sapin de Noël, justement, que nous connaissons et que l'on retrouve dans les maisons britanniques, a été initiée au Royaume-Uni par le prince consort Albert, emprunté de son pays d'origine qui est... L'Allemagne. D'accord. Qui était le mari de Victoria. Voilà, et justement, hashtag transition, on passe à l'Allemagne. Et bienvenue, l'Allemagne est réputée pour être le pays des meilleurs marchés de Noël. Ah bon ? L'Allemagne possède plusieurs traditions uniques liées à Noël, à commencer par la multitude de calendriers de l'Avent que l'on trouve dans les foyers germaniques. Dans le sud-est du pays, les enfants demandent des cadeaux au Christkind, une petite fille que l'on retrouve symbolisée dans les parades, et le Saint-Nicolas, comme il l'appelle, le 6 décembre est aussi une occasion d'offrir des cadeaux aux petits, comme en France d'ailleurs. Et le dessert traditionnel de l'Allemagne est le... Stollen. Voilà. Ensuite, on va passer à l'Espagne. Alors, en Espagne, la majorité des cadeaux sont ouverts le 6 janvier. Ah bon ? Qui correspond au jour où Melchior, Balthazar et Gaspard Les rois mages voilà. Mais c'est ce qui... apportèrent leurs cadeaux au petit Jésus. D'ailleurs, le turron, sorte de nougat, est la gourmandise la plus appréciée de toute la famille pendant les fêtes. D'ailleurs, c'est vraiment bon le turron, j'ai déjà mangé. Ah bon ? Ouais, quand j'étais à la fac, ou au lycée, je sais plus. Enfin bref, voilà, je l'ai déjà mangé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si, ouais. Quand j'étais jeune. voilà. Deux traditions originales subsistent en Catalogne, celle du Tio de Nadal, une bûche que l'on nourrit et enveloppe dans une couverture à partir du 8 décembre. Avant de la frapper le jour de Noël pour qu'elle délivre les cadeaux. Et celle du Caganer, un santon qui fait ses besoins dans un coin de la crèche. Ah, c'est sympa ça, c'est original. et puis mon petit conseil, un petit coup d'engrais. Je vous conseillerais de trouver un hôtel à Barcelone pour vivre un Noël au plus près des traditions catalanes et pour également un Noël à la mer. Ah oui, pourquoi pas. Il y en a beaucoup qui partent à l'étranger pour fêter Noël ailleurs. Ouais. Oui, c'est une vrai. Nouvelle tendance ça. Sous les tropiques, par exemple. Ma cousine, voilà. Elle va au Maroc. Voilà. De toute façon, il n'y a plus de neige ici, donc vous pouvez aller enfin, au petite. Maroc, pas sûr qu'elle en trouve aussi. Non, mais autant un dépaysement total, autant aller au soleil. Attention ta boule, Marion. Je vais décapiter la décoration. Ensuite, on va passer à la Grèce. Donc, lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur maison d'un bateau, emblème national grec, plutôt que d'un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter un bateau dans la rue, tandis qu'ils entonnent des chants de Noël. Mm-hmm. Le 24 décembre, les Grecs vont à la messe et mangent des fruits secs au retour. D'accord. Et durant les 12 jours de Noël, jusqu'au jour de l'Épiphanie, comme Vincent en parlait tout à l'heure, le 6 janvier, ils suspendent du basilic et allument un feu pour tenir les mauvais esprits éloignés. Ah oui. Les cadeaux seront apportés le 1er janvier par Saint Basile. Et donc, un autre conseil, essayez de loger près de la place Syntagma, pour admirer au plus près les décorations d'Athènes. Waouh, pourquoi pas. Ensuite, l'Estonie. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, non. Marion. Non, okay. L'Estonie. Donc, le Noël estonien est avant toute chose, une célébration liée au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver. Ah, parce que j'ai compris saucisse. Solstice d'hiver, ok. J'ai compris. Je me suis dit saucisse d'hiver. On retrouve un peu la tradition des pays scandinaves que Vincent décrivait à l'instant. Donc, au solstice d'hiver. Les festivités débutant autour du 23 décembre. Et quelques particularités du pays, chaque année depuis 350 ans, le président déclare la trêve de Noël le jour du réveillon. Puis, afin de chasser les mauvais esprits, on laisse de la nourriture sur la table et le feu dans la cheminée jusqu'au petit matin. Ah oui. Le soir de Noël, le menu comprendra du porc avec de la choucroute, du pain d'épices et de la bière. Ok. Ouais. C'est consistant. Oui. Voilà. Oui. Ensuite, la Pologne. Les festivités polonaises commencent lorsque la première étoile est aperçue dans le ciel par les enfants qui l'attendent avec impatience. Et si le ciel est couvert? Et je sais pas. Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Oui. Il y a du pain appelé oplatek et partagé à table. Et dans la Pologne centrale et rurale, les animaux sont censés comprendre le langage humain à partir de minuit. Voilà, ils n'ont pas le choix. Hop. Voilà. Ils sont quand même, ils mettent du niveau hein, quand même. Enfin, c'est là qu'on mélange, alors que c'est un pays très chrétien, la Pologne, oui. On mélange un peu le profane et le chrétien. Oui, oui. Dans beaucoup de pays, je pense, maintenant. Après un dîner sans viande, composé de 12 plats, pour chaque apôtre, les 12 apôtres, les cadeaux seront apportés par le Père Noël ou différents autres personnages traditionnels. Et la ville de Cracovie accueille également un marché de Noël qui saura vous transporter dans vos plus beaux rêves d'enfant. N'oubliez pas, d'ailleurs, de rechercher un hôtel dans la vieille ville pour en profiter. Il nous fait le guide touristique, c'est génial. Guide touristique de Noël. Il est habillé pour, en plus. Ouais. Tu parles de Cracovie, là ? Ouais, Cracovie, ouais. En Roumanie, chez les Roumains, Crăciun, je ne sais pas comment ça se dit, donc Noël, est resté folklorique dans certaines régions et se célèbre en faisant du porte-à-porte pour entonner des chansons de Noël à ses proches et à partager un repas dans chaque maison. Ah, c'est génial, ça. Dans les villages, il est de coutume que les jeunes, surtout les garçons, sortent dans les rues dissimulés, derrière des masques plus ou moins effrayants. Le dîner est généralement à base de viande de porc. Ensuite, on va aller du côté de l'Italie, comme Marion t'en a parlé tout à l'heure aussi, il me semble. Oui. Le Noël italien débute le 8 décembre et arrive à son terme lors de l'Épiphanie, un jour après la Befana, que Vincent a parlé tout à l'heure, la fée ou la sorcière, ça dépend, juste avant que la Befana apporte des cadeaux aux enfants. La tradition de la crèche de Noël est encore importante dans beaucoup de foyers. Une vieille coutume est celle de la novena, les 9 jours précédant Noël, durant lesquels les enfants font du porte-à-porte, déguisés en bergers, pour chanter et récolter des bonbons. D'accord. Il y a beaucoup de pays qui font du porte-à-porte. Oui. On voit qu'ils sont ouverts aux autres, en fait, ces pays-là. Et voilà, nous, on reste un petit peu chez nous, cloisonnés dans nos petites habitudes, mais c'est pas mal, moi, j'aime bien. L'effet de partager, Noël. Ouais. Oui, c'est oui, vrai. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ensuite, le dîner de réveillon, donc en Italie, est composé de poissons, tandis que celui de Noël se termine par une part de panettone, donc une brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d'agrumes, comme tu l'as dit, il me semble. En passant un Noël à Rome, vous pourrez admirer le Colisée sous un nouveau jour. Pensez donc à réserver un hôtel dans le centre de la capitale pour profiter d'une Rome féerique. Ouais. Ah, oh, j'y suis pas allée à la bonne période, mince. Ouais, ouais. Ah. Georges aussi, il voyage beaucoup, Georges. Est-ce que dans ton dernier voyage, là, t'as vu quelque chose En République tchèque, par exemple. Voilà. Alors, effectivement, en République tchèque, à Prague, il y a de multiples petits marchés de Noël disséminés dans la ville. Qui ressemble à tous les marchés de Noël européens, où on vend des objets artisanaux, on vend des choses à manger, à déguster, à boire, etc. Ils font un excellent vin chaud, délicieux, et c'est très, très agréable, très, très décoré. Et au niveau des décorations, ça ressemble plus ou on moins... On retrouve le même type de décoration, on est en Europe, hein, donc... Oui. D'accord. On n'est pas très très éloigné au niveau des traditions. D'accord. Et c'est très très joli et c'est une très belle ville. Et ben voilà, on vous conseille. On va devenir tour opérateur. Ensuite, on va passer à la Suède. Le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, est l'un des jours les plus importants en Suède. Ah oui. Les Suédois défilent dans les rues et l'on déguste des lussekatter au petit déjeuner, des brioches au safran et au raisin. Ah ouais. Comme avec le Christkind allemand, Sainte Lucie est symbolisée dans chaque ville et village par une jeune fille. Le déjeuner du réveillon est un véritable buffet, tandis que le soir de Noël, une ancienne tradition consiste à accompagner chaque cadeau d'un petit sonnet ou d'un verre en rime. Noël prend fin en Suède 20 jours après, donc le 13 janvier. Ensuite, on va revenir au Japon. Donc on resalue Lou qui est au Japon actuellement. Oui. Au Japon, une manière commune de fêter le réveillon est de le faire en couple, à la manière d'une Saint-Valentin anticipée. Oui. Et si t'es célibataire? Ah bah tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Voilà. Ok, j'irai pas au Japon. Tu trouves un conjoint ponctuel. Voilà. Par intérim. Voilà. La véritable particularité du Noël japonais, c'est la coutume de manger du poulet frit. La chaîne de fast-food, dont l'emblème est un vieux monsieur à lunettes tout vêtu de blanc. Le et colonel rouge, voilà, qui dit souvent, attention, imitation, bonjour, je suis le colonel Sanders. fut à l'origine du phénomène en 1974, avec une publicité qui a très bien marché, et fait de ses restaurants le lieu de choix où passer Noël au Japon. C'est pas vrai. Sans déconner. Si, ouais. Ah, c'est horrible. En effet, il est impossible de trouver de la dinde de Noël au Japon. D'accord. Mais qu'attend McDonald's pour faire la même chose? Dans ce cas, on va citer Burger King aussi, tant qu'à faire. Du coup, KFC. KFC, oui. Voilà. Non, mais sans blaguer, ils vont au KFC à Noël. Bah oui, parce qu'il est impossible de trouver de la dinde. Oui, non, mais il y a d'autres alternatives que de la dinde. Ah oui, eux, ils veulent manger du poulet, tu vois. Voilà. Ouais, mais enfin, tu peux manger du poulet sans forcément aller manger du poulet. Eh ben non, apparemment, à part là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, apparemment. À part là. Donc, tu prends un poulet dans un supermarché et puis tu te le cuis, quoi. Il n'y en a pas, apparemment. C'est ça que tu dis, Chris. Il est impossible de trouver de la dinde de Noël au Japon. Oui, mais du poulet. Il y en a du poulet. Loup. Loup, secours. Je sais pas, fais-toi un saumon de Noël, un truc. Bah ouais, je sais pas, ils n'ont pas de poisson. Enfin. Il y a beaucoup de poissons. Bah ouais, en fait, je pense que la fête de Noël n'a pas la même valeur traditionnelle que les autres fêtes japonaises. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas la même valeur traditionnelle, mais de là à aller manger dans un fast-food le jour de Noël... Mais justement, eux, ils sont à l'antipode de nous. Tu vois, eux, ils mangent toujours sain. Et au moment des fêtes, ils mangent fast-food. Voilà. C'est ça, en fait. Là, pour le coup, ça me dépasse. Hein. Autant dans les autres choses que Chris a pu dire, oui... Mais là, j'avoue que le Japon, ça me dépasse. Justement, cependant, plusieurs foyers font le choix d'un dîner plus raffiné, accompagné de cadeaux. Pendant les festivités, d'ailleurs, la ville de Tokyo se pare de belles illuminations, un peu comme partout, même en France. Voilà. Il paraît que c'est très beau, Lou nous disait. Mm. Il paraît. Donc, ensuite, on va passer au Konodo. Quoi mieux que le Grand Nord canadien pour passer un Noël magique. Les Canadiens écrivent des cartes de Noël à leurs proches au moment des fêtes, tandis que les enfants écrivent au Père Noël à son adresse au pôle Nord canadien. Chaque année à Montréal a lieu la grande parade de Noël pendant laquelle les enfants peuvent rencontrer le Père Noël. Le soir de Noël, on dispose d'ailleurs du lait et des biscuits pour son passage dans les maisons. Ah bon, ça vient de là-bas aussi. Possible. Oui. Thaïs ? Oui, c'est vrai. Ah oui, en France, il y en a qui le font. Alors, peut-être pas. D'accord. Chez moi, on ne le faisait pas, mais mon cousin, là, pour ma nièce, ils vont le faire. Et au Canada, les cadeaux sont souvent ouverts lors du réveillon. D'accord. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, encore quelques pays. En Russie, historiquement, le Nouvel An est la fête célébrée en grande pompe en Russie, à la place de Noël, dont les festivités et les sapins étaient interdits suite à la Révolution et jusqu'en 1991. Ah ouais? Un Noël plus intime se célèbre le 7 janvier, date du calendrier orthodoxe autour d'un plat de koutia, qui est un entremets fait de graines. Il est de tradition de laisser une miche de pain sur la table pendant la nuit pour honorer la mémoire des défunts. Quant aux enfants, ils reçoivent leur cadeau la nuit du 31 décembre, apporté par le père Givre, un genre de père Noël, et Babushka, une grand-mère qui l'aide dans sa mission. Et en plus, en passant les vacances de Noël à Moscou, vous aurez des chances de passer un joli Noël sous la neige. Pas comme ici. Si je peux ajouter avec Nathalie. Ouais. C'est la chanson de Gilbert Bécaud. Ouais. Ah oui. Vous connaissez la chanson de Gilbert Bécaud ? Bien sûr. Je l'ai passée cette semaine. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu plein de petites Nathalie. La place de Rouge était vide. Et puis aujourd'hui, c'est encore le prénom. Je crois que c'est le prénom le plus, avec Marie bien sûr, usité en France. Ah ouais. Nathalie. D'accord. Et ensuite, j'ai encore deux derniers pays. Les États-Unis. Noël a bien sûr sa place aux États-Unis, aux côtés de la très importante Thanksgiving. À l'occasion, les maisons sont décorées et des cartes de Noël sont envoyées. Les Américains décorent aussi leurs maisons et boîtes aux lettres de petites cannes de sucre blanche et rouge. Oui. Ça, les Américains, ils décorent. Ils sont forts dans la décoration. Pour les États-Unis, c'est... Une tradition consiste à cacher une décoration en forme de cornichon dans le sapin, qui porte chance à celui qui la trouve. Ok, j'ai trouvé le cornichon. Une boisson ancestrale qui se déguste est le eggnog, composé d'œufs, de rhum, de cannelle et de muscade, symbole de la convivialité. Oui, c'est le petit lait. Ah oui, le lait de poule. Ouais. J'ai traduit. D'ailleurs, si vous logez à New York pendant cette période, vous pourrez profiter de l'immense sapin de Noël du Rockefeller Center. Ah bah oui, mythique. Et enfin, pour terminer, la Finlande. Donc pour finir, on vous emmène vers le pays du Père Noël. Malgré les revendications de plusieurs pays comme le Canada ou le Danemark, la Finlande est le pays connu à travers le monde pour héberger le domicile du Père Noël à Rovaniemi. Donc passer un Noël inégalable au pays du Père Noël. les familles. C'est-à-dire vers le cercle polaire. Le cercle polaire. C'est ça. C'est le rêve de Marion, on ça. On voit les aurores boréales. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein, c'est arrêtez, je vais prendre un billet d'avion, je vais y aller. Et, donc, et de la nuit sans fin à cette saison. Ah, il ne faut pas l'oublier. Ouais. C'est vrai. Ouais. On ne mange pas. Non, c'est qu'il fait nuit toute la journée. Justement, parce qu'il y a. Le soleil a complètement disparu. Oui. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est c'est un phénomène qui se répercute un peu sur le moral des gens. D'où les fêtes, d'où les fêtes de la lumière, etc. La lumière qui est disparue momentanément pour réapparaître plus tard, hein, puisqu'on est dans la nuit polaire. Oui. Bah, rien que ici, quand on a plusieurs jours de pluie, on a le moral au plus bas. Alors, je vous laisse imaginer s'il faisait nuit toute la journée. Oui, c'est sûr. Et une blague. Vous savez pas ce que dit le Jérômois quand un touriste passe à Gérardmer et puis qui demande « Il pleut toujours comme ça ici ?»« Non, il neige aussi. » Et donc, enfin, pour terminer, les familles achètent, donc les familles de Finlande, achètent le sapin de Noël le 23 ou 24 décembre. C'est tout ? Ouais. Le menu finlandais inclut, donc, non, je t'en ai pas parlé de la Finlande, il me semble. Si. Okay. Le Andihot. D'accord. On va faire plus simple. Le menu finlandais inclut du porc, du saumon, des casseroles de légumes et, pour le dessert, du riz au lait dans lequel est dissimulée une amande qui portera chance à celui qui la trouve. En quelque sorte, c'est le cornichon finlandais. Ben voilà. Ah, je l'ai vu ça, ce truc dans un film de Noël. Je suis très film de Noël, hein, comme vous le savez. Et cette histoire, je l'ai vue. Et apparemment, si tu trouves l'amande, t'es marié dans l'année. Enfin, un peu quelque chose dans le genre. C'est un petit peu compliqué. Il serait temps que tu la trouves. Dans la préparation. Bah pour nous trois, hein, c'est bon pour nous trois. Super, bah merci beaucoup, Chris, guide touristique. Voilà, de Radio Gémozo pour cette émission spéciale Noël où nous faisions le tour du monde avec vous. Eh bien, je pense que cette émission arrive tranquillement vers sa fin. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui tous pour partager ce bon moment. Et puis à tous nos auditeurs, surtout, on vous souhaite un très, très bon réveillon avec vos proches, vos amis ou avec peut-être des inconnus, on ne sait pas. Moi, j'avais un jour invité quelqu'un de seul chez moi pour partager le repas de Noël. Et voilà, n'hésitez pas. Hein ? Pourquoi pas ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à nos auditeurs pour ces périodes de fin d'année ? Bonne fête. Soyez heureux. Ouais. Bonne fête de fin d'année, la santé, la joie. Prenez soin de vos proches. Bonne fête de fin d'année. Ouais, voilà. On vous retrouve très bientôt sur nos ondes, hein, Radio Gémozo, avec tous nos programmes habituels et peut-être de nouveau pour l'année prochaine, on ne sait c'est pas. Jamais. Et avec Lia. On va y réfléchir. Et avec Marion. Et avec Christopher. Et oui, avec toute l'équipe, hein, surtout, on n'oublie pas tous les autres. On vous embrasse tous, l'équipe de Radio Gémozo et puis tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux et sur nos ondes, et etc., etc. Voilà. On vous embrasse tous bien fort, hein, vous l'avez bien compris. On vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très très bientôt. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, a jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleigh song. Just let a bobtail bay to 40 as his speed. And then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Shoo ba doo ba doo doo doo doo, shoo ba doo ba ba doo doo, shoo da ba doo. Shoo doo ba doo doo, you doo ba doo dee doo, ba ba doo dee doo.